Bon, bah déjà, merci à tout le monde de votre participation à la controverse. Donc là, on va continuer la journée sur des choses un petit peu plus précises. On va repartir de choses qui ont été faites au niveau de la commune pour le mettre en lien avec ce que font certains collectifs aujourd'hui. Donc, j'ai a priori une sorte de liste dans ma poche. Et je vais vous lire quelques petites choses justement qu'on à ce moment-là, et appeler les collectifs un peu associés à ces choses-là à venir s'exprimer sur, de façon pratique, ce qu'ils font actuellement pour dans ces différents thèmes. Et puis peut-être, faire un petit rapport de situation, de contexte aussi, ça pourrait être pas mal. Est-ce que, du coup, par quoi on peut commencer? Là, on était un petit peu parti aussi sur le gouvernement. Alors, a priori, donc là, vous allez me dire s'il y a des collectifs que j'oublie. Il y a des personnes de la ZAN de la ZAD de Gonesse. Est-ce qu'il y a le collectif de défense de la protection sociale? Ouais. Ok, super. Du coup, par rapport à l'éducation, tout ça, bon, c'est un peu, on peut prendre, on verra. Est-ce qu'il y a le collectif autogestion qui est venu aussi? Il n'est pas là? Ok. Alors. Et on a aussi, par rapport à la question de l'internationalisme et du logement, le collectif d'exil, le collectif Wilson Solidarité, et puis qui nous permettra aussi, avec le collectif réquisition, de parler un petit peu du rapport à la réglementation de l'État concernant les logements, mais pas que. De ce que j'ai cru comprendre, il y a aussi toutes les questions du droit à la ville qu'on a un petit peu abordées pendant la controverse. Hein? Ben... Alors, du coup, ouais, mais très bien. Du coup, je vais le mettre en lien avec quelque chose qui s'est fait pendant la commune. Je crois qu'on... Certaines choses, en tout cas, qui sont en rapport avec la santé. On s'est dit qu'on pouvait le mettre en lien. Des choses qui se sont faites pendant la commune. Alors, donc, en 1871, on a eu un petit contexte qui a été mis en place tout à l'heure sur... sur ce qui s'est passé en 1871, donc je vous rappelle que la commune de Paris s'est effectuée alors qu'il y avait une guerre en cours et que le gouvernement est parti se réfugier à Versailles. Et donc, comment ça se passait à ce moment-là dans Paris, suite à cette déclaration de la commune le 28 mars, ici devant l'hôtel de ville? Au niveau de la santé et des médecins pendant la commune, les membres de l'Académie de médecine ont fui avec... Les médecins et les étudiants de la faculté de médecine sont majoritairement mobilisés dans les hôpitaux. L'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés s'organise de façon autonome et laïque et crée des ambulances. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là, de façon très, très réduite sur ce plan-là. Et donc, aujourd'hui, sur le plan notamment de la protection sociale, alors c'est pas que la santé, hein, ça déborde largement. On a une personne qui est venue nous parler de ce qu'il faisait. Donc, si tu en es d'accord, je te passe le micro. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait faire un petit contexte avant? Faire un petit contexte autour de ça, ou je peux lui passer la parole? Bonjour à tous, donc je me présente, c'est Sylvain, je suis secrétaire sud protection sociale du 93 et nous avons créé pour lutter contre la fermeture des points d'accueil de sécurité sociale, alors évidemment dans notre département 93, mais ce que je vais évoquer ici est valable au plan national, c'est-à-dire que c'est une véritable... des points d'accueil de sécurité sociale sous prétexte que les assurés seraient high-tech, auraient des ordinateurs à portée de main, etc., etc. Alors je vais quand même évoquer l'historique, parce qu'à mon âge, sur les points d'accueil du 93, hein, moi-même salarié de la sécurité sociale, hein, nouvellement retraité, mais j'ai été salarié de la sécurité sociale pendant plus de 30 ans. Donc, il y avait, avant 2015, 50 points d'accueil, sécurité sociale, assurance maladie, dans le 93. en 2015. C'est-à-dire que les directions successives s'efforcent et partent en croisade pour liquider les points d'accueil. À grande direction, vous avez une liquidation des points d'accueil de la sécurité sociale. En 2015, on est passé de plus de 50 points d'accueil et de centres à 33. Et de 33, pardon, excusez-moi, en 2015, on est passé à 18. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que 14 points d'accueil sur tout le département. Alors je précise que dans le 93, on est 1 600 000 habitants, ce qui fait à peine un point d'accueil pour 100 000 habitants. Vous voyez où on en est à l'heure où je vous parle. Alors, la direction actuelle va encore plus loin et a décidé de fermer, de liquider le point d'accueil de Pantin et de Bondy. Ça, c'est l'euthanasie de ces trois points d'accueil et ça, c'est pour tout de suite. Ensuite, cette même direction cherche, pour l'instant 2022, à vendre l'immeuble de Saint-Denis, où il y a quand même la bagatelle de 300 agents et on reçoit la bagatelle de 300 à 400 assurés par jour. Ça, pour 2022, Saint-Denis va être en vente, sans avoir l'assurance d'un autre point d'accueil. Alors, il y a une subtilité dans les ventes. Ça ne vous a pas échappé que dans à peine un an, il y a les élections présidentielles. Et quand il y a les élections présidentielles, on reste prudent. C'est-à-dire que la direction a annoncé qu'elle ouvrait, par exemple, Lier, mais a fermé suite Pantin, et elle mettrait un centre, un point d'accueil, limitrophe entre Pantin et Aubervilliers. Mais sans savoir où, parce qu'il faut bien comprendre le piège, c'est qu'il sans avoir l'assurance d'avoir d'autres locaux. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux élections présidentielles, on va nous leurrer en disant « Ah mais non, mais là pour l'instant on a mis en vente, mais on cherche un local, en attendant il n'y aura plus rien ». Et après les élections présidentielles, on sait très bien comment ils fonctionnent, vous n'aurez pas d'ouverture de points d'accueil, donc ça sera la fermeture pure et simple d'Aubervilliers et Pantin. J'espère que je ne suis pas trop technique, vous m'arrêtez si un petit peu complexe. Voilà. Et qui c'est qui reste le carreau? C'est les assurés sociaux, d'accord? Les plus fragiles, notamment dans le 93, je ne vais pas vous faire un dessin. Alors, ils parlent aussi, ils auront vendu Saint-Denis, etc., etc., de substituer ces points d'accueil dans des maisons de services publics, ce qu'ils appellent des Social France maintenant. C'est-à-dire, les accueils qui seront substitués dans des maisons de services publics, et accrochez-vous, ça ne sera pas du personnel de sécurité sociale qui vous recevra. J'entends bien, ce sera des boîtes qui vont gérer les points d'accueil d'assurance. On parle même que les dossiers complexes, alors ce qu'ils appellent les dossiers complexes, c'est les CMU, les AME, de faire payer, vous entendez bien, faire payer les consultations des assurés sociaux sur les dossiers complexes. Vous vous doutez bien également que les boîtes privées les accueillent, ce ne sont pas des philanthropes. Donc, eux, ils vont taxer, en tout cas, ils vont essayer de le faire, on va les uns les autres. Que ce soit syndicat, gilet jaune, militant, non militant, voilà. C'est ça le rôle du collectif du 93. On verra la résistance qu'on va amener pour éviter ce démantèlement. Alors, après ce scénario catastrophe, qui n'est pas de moi, hein, malheureusement, heureusement, le lapsus, il y a une bonne nouvelle, c'est que les camarades, quand je dis les camarades, hein, c'est du collectif, avec l'intervention du maire de Stade, obtenu pour l'instant la réouverture de leur point d'accueil, qui était fermé depuis le début du confinement, voire même avant le début du confinement. Alors la réouverture, ne croyez pas que c'est ouvert tous les jours, exagéré. C'est-à-dire que la réouverture, c'est deux fois par semaine, quand il y a le personnel, parce que nos collègues sont au burn-out aussi. Quand vous avez 1 600 000 assurés, ils ne viennent pas tous en même temps, à gérer à 80 ou 100 d'accueil où la moitié sont au burn-out. Donc ça s'est ouvert normalement deux fois par semaine et sur rendez-vous. C'est-à-dire si vous ne prenez pas rendez-vous, votre dossier il peut attendre à vitam aeternam. À préférence, puisque tout est dématérialisé, comme ils nous disent, la direction, tout, c'est génial, quoi. Bon, voilà. En gros, nous avons créé notre collectif de défense de la protection sociale 3 janvier 2021. Pour l'instant, nous sommes... Enfin, on ne nous cite pas, mais il y a eu... On a fait la une contre la fermeture des points d'accueil du Parisien, quand même. Vous avez des dépêches de CNews et d'autres médias. Vous avez l'intervention de certains sénateurs et vous avez l'intervention de députés, toutes tendances d'ailleurs, parce qu'ils tiennent aussi à être élus, donc chez eux ça la fout mal. Donc vous avez quand même une résistance alors médiatique, alors on croit aux médias, on croit pas, mais en tout cas vaut mieux qu'on parle de nous qu'on n'en parle pas, même en mal, hein. Je sais plus, un vieux militant disait « Vaut mieux qu'on parle de toi en mal, même en mal, ça veut dire que tu existes. » Le problème, c'est quoi, hein ? Donc, nous avons ce combat qui est en cours et nous avons prévu une prochaine réunion à la mairie de Bondy avec toutes les tendances, que ce soit syndical, politique, gilets jaunes, non-gilets jaunes, assurés sociaux, etc. Le plus rapidement possible, là j'ai ma camarade qui va peut-être relayer après moi parce qu'elle a la manif du climat, là. Elle arrive dans une heure à peu près, donc je pense qu'elle va relayer ce que je viens de vous expliquer. Oui. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Et je voulais aussi t'entendre, enfin vous entendre en tant que collectif, sur, moi c'est ça qui m'a frappé aussi, la particularité de votre comité, enfin la dynamique que vous mettez en place, c'est-à-dire de mobiliser, c'est quand aujourd'hui en fait des comités qui soient mixtes, professionnels, usagers, c'est-à-dire que sur la santé, sur tous les sujets qui nous concernent de la vie quotidienne, on essaye de réfléchir à comment on peut organiser des comités d'habitants, des comités mixtes, professionnels de la santé, professionnels de la sécurité sociale et usagers, gilets jaunes comme tu disais, habitants, syndicats, non-syndicats. Comment justement on construit cette dynamique mixte, plurielle, pour que les habitants eux-mêmes et leur service public d'y prendre part, de prendre part à leur défense, que ce ne soit pas seulement une question propre aux employés de la Sécu, ni à certains syndicats au sein des employés de la Sécu, mais moi ce que j'ai trouvé hyper enthousiasmant dans votre initiative, c'est de dire voilà, on fait un comité, ça peut être partie de Sud Protection Sociale, mais il y a eu une envie d'élargir quoi. Et du coup, comment vous le faites, pourquoi, si tu veux nous parler un peu de cette dynamique-là, quoi, que je trouve hyper intéressante. Écoute, j'ai pas de baguette magique sur miracle. On s'est adressé à toutes les forces de résistance qui pouvaient être, notamment dans le 93, mais dans le pays. Et quand on liquide la protection sociale dans le département 93, ça ne passe pas forcément inaperçu. On a même eu un article de Seine-Saint-Denis la veille de la création de notre collectif. Pour dire, je revenais aux médias tout à l'heure, qu'il y a eu une sensibilisation particulière sur ce point-là. Il y a aussi, je parle pour moi mais pour d'autres, des vieux militants entre guillemets, qui ont forcément au bout de 40 ans de militantisme, des relations, qu'elles soient, comme tu disais, pas forcément syndicales, pas forcément politiques, mais bon, qui ont des relations, y compris dans les gilets jaunes, etc. Donc on a contacté tout le monde. On a même contacté les unions départementales, syndicales, CGT, FO, je ne parle pas de la CFDT, bon, on aurait pu le faire, mais je pense que ça n'aurait pas apporté grand-chose. Mais bon, on l'a fait quand même. nous sommes adressés aux politiques aussi, aux maires, aux assurés sociaux. Hein. Mais on en est encore au balbutiement de notre collectif. Il faut bien comprendre qu'on arrivera à fédérer, hein, ce qu'on appelle, c'est ça les fédérations, c'est de fédérer toutes les forces. Alors, je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense qu'on a encore au moins un an de combat. Hein. C'est-à-dire jusqu'aux élections présidentielles, ce que je citais précédemment, on n'aura pas encore fini notre combat et on sera toujours en combat. Donc, vous voyez, donc on l'a créé au mois de janvier et on a quand même une dynamique, comme tu disais. Mais je n'ai pas de réel conseil, hein, surtout pas de conseil, et de solution pour vous dire réellement pourquoi, pour l'instant, ça a marché. Hein. Il y a l'enjeu, le logement, c'est un enjeu. Je pense qu'il y a des cabates pour le droit au logement. Je rappelle que c'est dans la Constitution française, le droit au travail aussi. Hein. C'est dans la Constitution française. La santé, on va dire, même si elle n'est pas dans la Constitution, elle y est, forcément, depuis 1945, la Résistance se sont battus pour qu'on ait, nous, une protection sociale, et bon, les Français sont attachés à leur protection sociale. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas botté en touche, mais je n'ai vraiment pas de recette miracle, c'est de, en fait, toutes les forces collectives, indépendantes ou syndicales, politiques, et de les emmener. Faut pas hésiter à leur écrire. Puis faut qu'ils se mettent face à leurs responsabilités. Il y a les médecins aussi. Les médecins, ils sont pas forcément aptes à mettre leurs malades en danger aussi. Hein? Donc il y a tout ça. Hein? Ah, c'est moi qui te remercie. Ouais, merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Adèle peut-être pour la suite. Mais en tout cas, oui, je te demandais pas forcément en termes de recettes miracles, mais c'est très intéressant de témoigner au moins de la dynamique qui se met en place. Et c'est un choix que vous avez fait qui est, je trouve, pertinent en tout cas, et, voilà, dont il faut parler. Parce que l'idée, c'était aussi de montrer qu'est-ce qui se passe. Si Adèle, tu veux, est-ce qu'on prend des remarques ou on passe? On a les camarades, je crois, du logement après et de la ZAD. Oui, je voulais juste dire, par rapport à la défense de la santé, qu'il y a l'Union nationale des collectifs de défense des maternités des hôpitaux de proximité, et que quand le centre de santé de la défense a fermé, ils sont intéressés à la question, donc je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être faites, quoi. Et qu'il y a aussi une coordination nationale de... Enfin, justement, qui articule comité d'usagers et syndicalistes ou professionnels sur les services publics en général. Et je pense que ça commence à monter quand même beaucoup et que ça fait partie des contacts qui pourraient être pris. Okay, merci. C'est une petite remarque en passant sur justement. On parlait tout à l'heure de apprendre à réorganiser la ville. Faut-il le faire, faut-il pas le faire? Ben, c'est justement ce qu'il a décrit, et justement une des raisons pour laquelle nous devons nous organiser nous-mêmes pour gérer nos villes, pour les organiser, pour les faire évoluer dans le... Parce que lorsqu'on est soi-même organisé en ce sens, quand ces événements interviennent dans une ville, on est mieux à même de réagir. Et de porter les protestations que de se retrouver tout seul sortant du boulot. Je vais à la sécu. Ah merde, c'est fermé, qu'est-ce que je fais? Nous-mêmes, on est plus à même de réagir. Oui, du coup, c'est le même sujet, mais par rapport à Pôle emploi, c'est-à-dire que ce n'est pas par rapport à la fermeture des CPAM, mais à la fin de Pôle emploi. Donc moi, je suis à la CGT chômeur et... On fait demain un rassemblement devant le Pôle emploi d'Aubervilliers, qui est de mémoire 124 boulevard Henri Barbusse, et justement pour les fermetures, les regroupements, la mise à distance des usagers, en lien avec les syndicalistes de Pôle emploi. Donc évidemment, vous êtes tous bienvenus à partir de 9h. Peut-être pour faire la controverse, mais il ne faut pas oublier que certaines villes se sont accaparées les compétences de santé et qu'il y a des villes qui organisent des centres de santé municipaux avec des compétences locales qui peuvent intervenir quand il y a des soucis sans attendre une réponse ou d'une ARS qui met beaucoup de temps à bouger. C'est gérer un centre de santé municipal ou local, c'est un atout, c'est assez facile à faire. Ça nécessite une volonté politique, effectivement, que des budgets soient libérés et que donc déjà on fasse la pression et s'intéresse à la pratique de leur santé. Enfin, je sais pas, on n'avait pas d'ordre prévu très précis pour les tours de parole, mais peut-être que tu veux... J'attends. Rémi, est-ce que tu veux en profiter pour parler un peu du mouvement coopératif à Saint-Denis ou... On passe là. Quand on est sur les questions du 93 là. Ouais, mais je sais pas dans quel ordre tu veux. Enfin, si c'était prévu en particulier. Non, mais même si tu veux parler des coopératives à Saint-Denis, voilà, bon, c'est dans le sujet. Je sais pas si c'est. Je finis un peu sur le sujet, la santé, mais au début du premier confinement, quand les gens avaient faim. Dans nos quartiers, on s'est organisé tout seul. Beaucoup de gens du terrain se sont organisés. Et on a bien montré, du coup, que heureusement qu'il y avait des réponses locales rapides, solidaires, et qu'on a des compétences là-haut perché. Voilà. Alors, on me demande de faire aussi un petit point sur les... Je fais un peu le lien, mais au moment du confinement, du premier confinement, où effectivement aux épiceries coopératives qu'on a à Saint-Denis là, avec des leurs et la MAP, qui se retrouvaient avec les marchés fermés, qui n'avaient plus de débouchés. Le gars qui nous livre des fromages de chèvre en avait 2000 sur les bras dans le Vexin là. Et effectivement, il y a plein de paniers qui ont pu être faits. Il nous a amené ses chèvres, on en achetait, on se cueillait plus et du coup les mettre dans les paniers solidaires. Voilà, tout ça c'est une organisation qui tient à la fois de... d'attention à ce qui se passe autour de nous, à se dire qu'on a les moyens d'organiser sur place pas mal de choses. Bon, après coup, c'est vrai que c'était aussi un moment campagne municipale et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait aussi des équipes qui savaient très vite aller chercher des subventions aux bons endroits, par ailleurs candidats, et qui effectivement arrivaient à abreuver, à trouver de la nourriture de mauvaise qualité à droite, à gauche, et la demande dans des cités. Mais bon, il y a différentes façons de faire. En tout cas, il y a ces moyens de faire soi-même. Alors heureusement qu'il y avait ces 600, 800 familles qui se connaissent très peu, qui se tiennent simplement par le fait d'être intéressés à tenir une épicerie, à jouer à la marchande, parce qu'en gros on joue à la marchande. Trois épiceries, 250 familles, c'est super marrant et on y prend le. Et ça tourne tout seul. Parce qu'en fait, quand beaucoup de gens participent, c'est très facile. À 50 familles qui se relaient pour tenir 4 permanences par semaine, il suffit que chacun le fasse une fois tous les deux mois. Et ça roule. La MAP, si chaque personne vient faire préparer les paniers pendant une demi-heure, tous les 2-3 mois, ça suffit. Et du coup, on a un vrai plaisir. On a le temps du coup de rester papoter et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut du coup expérimenter que c'est possible. Et ça, c'est bon, effectivement, c'est une initiative libertaire sur Saint-Denis qui ne savait pas trop quoi faire, qui, il y a une douzaine d'années, s'est posé la question de quoi faire, de pratique. Les AMAP étaient à la mode, ils se sont dit, bon, on lance une AMAP. Bon, c'est vrai qu'ils ont trouvé le producteur, ils ont fait une information, et 70 personnes, pas spécialement libertaires, ont fait un chèque pour toucher 3 mois après des paniers de légumes. Et hop, ça a lancé une dynamique. Quand ça correspond à un besoin, quand ça correspond à quelque chose qui manquait sur la ville, des gens s'y mettent. Et c'est en faisant que ça avance. Je ne sais pas, tu parlais de recettes, mais je crois que c'est surtout d'apparemment il y a un sujet. On s'y accroche plus facilement. Et puis, si ça ne repose pas sur 3-4 militants étiquetés officiels, président, secrétaire, trésorier, je ne sais pas quoi d'autre, ça aide beaucoup. Et peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas un responsable sur une boutique, il n'y ait pas quelqu'un qui on donne souvent l'exemple des clés. Effectivement, si les personnes qui font la permanence ne sont pas venues une fois avant clé pour tenir leur permanence quelques jours après et ramènent la clé ensuite, il y a 10 clés disponibles dans la COP pour venir s'organiser. si quelqu'un vient, on est devant la COP et puis elle est fermée, mince. On sait mal. Si quelqu'un arrive en courant avec la clé en disant je vais vous ouvrir, un responsable qui vient ouvrir, tout est cassé. Ça ne nécessite pas de s'inscrire, ça ne nécessite pas de mieux s'organiser la prochaine fois. La boutique est fermée et les gens râlent. Mais du coup, ils s'inscrivent la fois maintenant suivante, ça s'organise et que ça remonte. Et puis de temps en temps, il y a une fermeture, voilà, il y a un raté, la pression remonte et hop, les inscriptions se refont pour que le truc fonctionne en auto-gestion sans qu'il y ait besoin de compter sur un responsable qui assure le fait qu'il y a une clé disponible et qu'il arrive sauver le collectif. Alors déjà, je rappelle à tout le monde, n'hésitez pas à prendre la parole pour sur ce qui est dit aussi, parce que là, en fait, ce que je trouve très intéressant, et je te remercie, c'est que tu nous dis vraiment des choses très pratiques, c'est-à-dire, voilà, tu veux ouvrir une AMAP, tu trouves un producteur, un local, j'imagine, hop, tu te lances, t'en discutes dans le quartier, il y a des premiers chèques qui sont faits, et puis c'est comme, si j'ai bien compris, donc c'est vraiment hyper pratique, en fait. Et moi, une question que je voulais te poser, justement, tu l'as un petit peu abordé, mais rapidement, comment tu fais pour que... ça ne soit pas fermé sur de l'entre-soi. Alors tu l'as dit, déjà on fait, c'est-à-dire on ne part pas sur des idées qui vont se bloquer, qui vont s'opposer. On commence par faire et puis petit à petit ça fonctionne comme ça. Mais comment tu fais justement au début pour que, exemple, ce soit pas mal perçu par l'autre, ou tu sais, tous ces petits trucs qu'on a comme problème quand on construit un collectif qui font que en fonction de la ligne qu'on avance, des choses qu'on met en place, non, je commence à avancer des hypothèses, donc je te pose la question ouverte. Le sujet de la nourriture, l'alimentation, l'entre-soi, il est relativement, parce que c'est vrai que ça regroupe, alors ce sont des boutiques qui sont plutôt des produits bio ou des produits par des producteurs que l'on connaît, qu'un coopérateur a découvert et a jugé que sa pratique, même s'il était pas pratique, était intéressante. Bon. Mais c'est vrai que c'est moins facile, comme on dit. On a récupéré des locaux en pied de HLM qui étaient vides, et c'est vrai qu'on a du mal à avoir les gens qui sont au-dessus, parce que effectivement c'est pas facile de dire qu'avec une meilleure nourriture, quitte à manger différemment, à acheter moins de choses chères ou moins succomber à des promos de tête de gondole, finalement on arrive à réduire son budget ou à maintenir son budget d'alimentation en mangeant mieux et en mangeant différemment. Mais ça marche un peu, parce qu'en fait on est très ouvert. Beaucoup d'AMAP, souvent, parce que les 4-5 responsables se fatiguent, limitent le nombre d'inscrits, et donc il y a des listes d'attente. Alors c'est vrai que beaucoup d'AMAP sont dans le fond d'un local qu'une fois par semaine et n'ont pas de local propre. C'est vrai qu'on s'est cotisé, on paye chacun 9€ par semestre pour payer un local. Du coup, ce local, il est disponible pour des réunions. Il est dans lequel il y a le groupe libertaire a installé sa Libertech. Donc, on a des CD, des DVD, des trucs et autres qui sont disponibles. D'avoir un local en permanence, c'est un élément important. N'importe quel membre de l'AMAP ou des COP peut disposer du local librement pour organiser avec les autres. Bon. Donc, ça, ce sont des opportunités d'ouverture et de diversification. Voilà. Et du coup, aussi de confrontation de milieux différents. D'expériences différentes, d'où la liste de discussions qui quelquefois des gens appellent un peu modérée. Alors c'est vrai que c'est 10 à 30 mails par jour, hein. Mais alors du coup on apprend aux gens à mettre un objet précis, on apprend à faire un nouveau dossier dans sa boîte mail, pour pratiquement les mails qui commencent par crochet, discussion, crochet fermé, des choses comme ça. Et le confinement, en particulier le premier confinement et les paniers solidaires, ont fait que des gens se sont intéressés à cette de nourriture, de production, de relation avec le producteur qui était là, et qui, alors c'est pas énorme, mais c'est vrai qu'on a appelé à se cotiser tous dans des boîtes qui étaient dans chaque COP et à la MAP. On s'est cotisé, on a proposé à des gens de prendre des paniers, des contrats de paniers sur 6 mois. En étant en partie aidé. Donc là, par exemple, la saison qui vient de se faire, il y a une douzaine, 13 contrats qui ont été complétés. c'est 231 euros les paniers pour 6 mois. Eh bien, les personnes ont été interrogées sur ce qu'ils pouvaient mettre, entre 0 et 231. Et puis, la cagnotte qu'on avait récupérée a permis de compléter. On a fait suivre la même démarche. Tous les gens qui veulent rentrer dans le collectif passent par une réunion d'accueil. 2 heures où on explique un peu l'historique, le mode de fonctionnement non hiérarchisé, le fait que chacun a une responsabilité, le fait que si quelqu'un veut passer une commande, le producteur peut le faire. Il n'y a surtout pas de commission achat qui va décider qu'est-ce que c'est qu'un bon achat, un bon produit bio ou pas bio. Les personnes qui ont leur panier solidaire aidé ne sont pas reconnues. On ne sait pas. En gros, il y a quelques personnes qui ont collecté ça et qui ont rempli un peu les dossiers, mais ils ont exactement un niveau d'égalité, de fonctionnement, d'implication et d'être attendus pour faire des choses que les autres. Façon de s'ouvrir, d'éviter l'entre-soi, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent peut-être échanger sur ce qui vient d'être, dit? Ouais. Juste une question. La question, c'est quelle est la réaction des politiques officielles de l'endroit où vous faites ça? Est-ce qu'ils se disent, tant mieux, ils ont envie d'aider ou autre chose? Saint-Denis a basculé du PC au PS aux dernières élections. Donc on n'a pas encore trop de la nouvelle. Voilà. Par contre, c'est vrai que le groupe libertaire qui a créé ce truc-là, c'est vrai, a poussé à ce qu'il y ait pas de demande de subvention. Donc déjà, les locaux, c'est vrai que la mairie précédente a répondu favorablement en donnant accès à des locaux qui étaient vides, pas utilisés depuis des années, à des loyers modérés. Ça a été effectivement leur aide. Mais par contre, on a mis un point d'honneur à ne pas faire de demande de subvention. Ce qui fait qu'on n'a pas le risque chaque année d'avoir un budget qui s'arrête et de ne pas pouvoir continuer. Et du coup, on s'est habitué aussi à compter sur nous. Et c'est vrai que 9 euros par semestre sur 280 personnes, c'est dérisoire. D'ailleurs, si certains ne peuvent pas payer, ils ne payent pas, c'est tout. Mais parents locaux disponibles pour faire beaucoup de choses. Et pareil, les COP. Les COP, c'est à peu près 20 à 30 euros par an pour participer au loyer, à l'assurance et aux frais aux petits frais. Voilà. Donc chacun, il y en a qui peuvent et la plupart le payent. Et effectivement, 250 familles qui payent 20 à 30 euros, ça fait tourner la boutique. Il n'y a plus qu'à jouer après. Voilà. Et on vend les produits sans marge. Donc on est 20 à 40% moins cher que dans une boutique bio. Parce qu'on n'a pas de boutique bio à Saint-Denis, la clientèle pour. On est pourtant 115 000 habitants. Hein. Mais il y a une petite boutique mixte qui s'est créée il y a 2-3 ans, qui a du mal. Donc voilà. Il y a eu ce feu vert sur des locaux. Mais on... Alors si, il y a un appel d'offres qui se fait là sur la ville. Un appel pour créer des épiceries solidaires. Vous savez, pour les pauvres, mauvaise qualité pour les pauvres. Et donc, ils appellent des structures qui pourraient répondre, alors associatives, qui seraient capables de créer des épiceries solidaires. Voilà. Bon, nous, ce n'est pas du tout une épicerie solidaire, même si dans un coin de l'épicerie, il y a une caisse où les gens achètent des produits en plus et puis les mettent dans la caisse. Ce qui fait que quelqu'un qui va pouvoir prendre quelques produits gratuits, ou d'ailleurs remettre le produit dans les rayons et puis prendre un autre du même prix qui l'intéresse plus. Voilà. Pour pas obligatoirement mettre du sucre, du riz et des haricots verts en boîte. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient ajouter quelque chose par rapport à ça ou on enchaîne. Est-ce que tu veux faire un petit mot sur l'atelier que tu proposes? Ouais. Alors. Et on propose de faire un théâtre interactif, c'est justement pour lutter contre la distanciation sociale. Et on donne des relations, des rôles et pour pouvoir nous exprimer autour de nous et dans un espace de socialité, pas frontal. Donc, ce qu'il a envie de s'exprimer de manière pas sans qu'explique à l'autre, mais interaction totale avec les autres, nous, on est là et on donne la possibilité de... On a la possibilité justement de raccourcir dans cette distanciation physique la méfiance envers. On aimerait bien revivre la commune plutôt que parler à la commune et essayer de faire ça après 150 ans. Et merci pour la parole. Ok, donc les gens qui ont envie de participer, du coup, ils viennent te voir et tu leur distribues des mettre en place. Ok, super, super. Et donc, comme là, on était en plus sur la question de l'alimentation, je vais vous lire quelques petites choses qui se sont faites pendant la commune à ce moment-là. Et ensuite, je proposerai aux personnes de la ZAD de Gonesse de venir parler un petit peu de leur expérience. Pourquoi on monte une ZAD, comment on monte une ZAD, comment ça peut se mettre en lien avec d'autres lieux, d'autres régions. Et voilà. Donc d'abord, je lis quelques petits éléments sur ce qui se passait sur cette question-là pendant la commune. Alors... Subsidionnement pendant la commune. Suspension de poursuites pour non-paiement des dettes des commerces. Contrôle des prix des denrées alimentaires. Décentralisation. Vente locale gérée par les mairies d'arrondissement. Suppression des intermédiaires, c'est-à-dire vente directe. En contexte de guerre d'encerclement par les Prussiens et les Versaillais, Paris est correctement approvisionné à faible coût pour le peuple par un service municipalisé. Il y en avait un autre, non ? Nous allons vous donner l'exemple de ce qui s'appelait, c'était une sorte de restaurant, une coopérative alimentaire La Marmite. Donc voilà, juste pour compléter sur ce qui a pu être fait sur le plan de l'alimentation. Donc Adèle vient de vous lire quelques mesures qui est l'approvisionnement de la ville en municipalisant les services, en contrôlant les prix, en décentralisant la gestion. Et concrètement, il y avait aussi des coopératives alimentaires comme La Marmite. Donc voilà, à titre d'exemple, il y avait 4 établissements dans tout Paris, prévu d'en faire 12, mais ça a été arrêté, qui livraient plus de 200 repas par jour, avec des plats qui étaient abondants et avec des prix modestes pour les ouvriers, pour le peuple. C'était aussi un lieu dans lequel les gens pouvaient lire les journaux, débattre, parler politique, chanter, voilà, échanger des moments conviviaux. Et puisque chacun allait se servir lui-même en cuisine et devait remplir une petite fiche pour évaluer le prix de son repas et remettre à un camarade. Donc voilà, c'est une coopérative qui a eu beaucoup de succès pendant la commune et que les communards ont, même après la semaine sanglante, essayé de reproduire dans leur exil partout. Et parce que c'était vraiment un élément clé au final pendant la commune, c'était vraiment un lieu de rencontre. Un lieu et qui permettait en plein contexte de guerre, de pénurie, le peuple était affamé par les sièges et par l'attaque des Versaillais. Ça permettait de subsistance, ça fonctionnait, voilà, en autogestion, par des volontés bénévoles aussi. Et voilà, sans hiérarchie des tâches, ni division, voilà. Donc un exemple parmi d'autres. Merci beaucoup. Tu veux ? Oui. Alors, Je peux juste du coup essayer de vous lire un appel. Donc c'est pour la formation d'un établissement coopératif qui s'appelle La Marmite, donc qui a été créé un tout petit peu avant, donc notamment par Varlin, qui a ensuite joué un rôle assez important durant la commune. Et donc c'est une coopérative donc de nourriture qui est à destination des artisans et des ouvriers de Paris. Donc je vais vous lire le texte. Alors il est donc si j'ai des soucis, ça sera à cause de ça. Mais voilà. Alors donc aux ouvriers, aux ouvrières, aux consommateurs. Appel pour la formation d'un second établissement de la société La Marmite. Depuis quelques années, les ouvriers ont fait de grands efforts pour obtenir salaire, espérant ainsi améliorer leur sort. Mais les spéculateurs ont pris leur revanche et font payer cher les aspirations des travailleurs en produisant une hausse excessive de tous les objets de première nécessité et particulièrement de l'alimentation. On a proclamé la liberté. La spéculation en use pour nous exploiter à merci. Travailleurs, ne cherchons donc pas ailleurs que dans la liberté, le moyen d'améliorer les conditions de notre existence. L'association libre, en multipliant nos forces, nous permet de tous ces intermédiaires parasites dont nous voyons chaque jour les fortunes s'élever aux dépens de notre bourse et souvent de notre santé. Associons-nous donc, non seulement pour défendre notre salaire, mais encore, mais surtout, pour l'écriture quotidienne. Depuis plusieurs années, des sociétés d'approvisionnement, de denrées, de consommation se sont formées en fournissant à leurs membres des denrées alimentaires de bonne qualité et à prix de revient. Mais les gens de ménage seulement peuvent profiter des avantages de ces sociétés. De nombreuses populations d'ouvrières, d'ouvrieuses, absorbées par un travail journalier, incessant, ne peuvent s'alimenter qu'en dehors, donc dans des établissements publics où l'on trouve le luxe avec la cherté, ou bien avec un bon marché relatif, une nourriture malsaine ou propre. C'est à cette nombreuse population de travailleurs, c'est à vous tous, ouvriers, ouvrières surtout, qui voyaient disparaître si vite le modique salaire de vos laborieuses journées, que nous faisons appel. Une société coopérative d'alimentation s'est formée l'année dernière sous le titre de La Marmite pour fournir à tous les membres une nourriture saine et abondante. Un premier établissement fonctionne parfaitement, rue Larrey 8, au centre du quartier de l'école de médecine. Aujourd'hui, il s'agit d'un deuxième centre qui ouvre au centre du quartier du Temple. Alors, du coup, je sais pas. Donc, si on continue donc par le forum théâtre, je vais peut-être repasser. Là, c'est là du coup, c'est de la ZAD de Gonesse qui vont intervenir. Je sais pas, hein. De l'habitat et tout aussi avant. Là, du coup, je pensais le faire après, comme c'était en lien à l'alimentaire. Après, on part sur le logement, quoi. Ça fera le lien avec ceux qui font la réquisition. Qui est-ce qui devait parler par rapport à la ZAD de Gonesse? Vous êtes super loin, c'est super chiant. Oh, je vais me déplacer. Aïe. Oh putain. Hey, coucou. Je te lancerai le micro après si tu veux. Oui. On va pas vous expliquer comment faire une ZAD. C'est pas le pro qui nous écoute. Mais effectivement, en vous écoutant tout à l'heure, moi j'ai appris beaucoup de choses et beaucoup de similitudes avec la commune. La ZAD du Triangle de Gonesse s'est créée au bout d'un collectif qui s'appelait le Collectif pour le Triangle de Gonesse, qui a gagné une victoire contre un centre commercial avec piste de ski sur des terres fertiles dans le 95, donc à Gonesse, pas très loin d'ici, il y a un an à peu près. Et en fait, on se bat, puisque la lutte n'est toujours pas finie, pour des terres agricoles, c'est aussi ballot que ça, qui sont menacées de destruction, puisque même si ce projet Europa City a été abandonné, la Société du Grand Paris a toujours le projet de faire une gare en plein champ, une gare pour lapins, une gare pour crapauds, et animaux avec des noms... Oh! Il suffit qu'on parle de la ZAD et les copains, ils arrivent, quoi. Il s'est passé un truc assez magique pendant 17 jours. On est un peu... bref, c'est un peu n'importe quoi ce que je vais dire, mais tout va bien. Du coup, cette ZAD, elle s'est faite dans des conditions assez compliquées, puisqu'il faisait moins 10 degrés. On est parti d'un terrain qui était aussi nu que cette place. On a très rapidement dû faire des cabanes pour se protéger des températures et pour pouvoir dormir dans des conditions acceptables. Et en fait, cette précarité, un petit peu, alors je ne sais pas si elle est équivalente à ce qui s'est passé pendant la commune, mais cette précarité de conditions de vie a fait que pendant 7 jours, en fait, l'énergie que nous ont et ont poussé les occupants et les habitants de la ZAD, puisque en fait on était dans la construction un peu limite pour de la presque de la survie ou de la vie, et en fait la vie, le coma s'est créé là-dessus. On a eu la chance de pouvoir en 10 ans de lutte voir et s'inspirer de différents endroits autogérés en France, à l'étranger, dans des autres ZAD, de voir un peu ce qui s'était passé, pire de ce que fait le collectif de bioéducation populaire ici. J'ai souvent dit, on a fait un atelier de quelle société veut-on pendant 2 ans et demi. On l'a expérimenté pendant 17 jours et c'était plutôt chouette. Et en fait, c'est vraiment les habitants qui s'y sont pris en main, mais on a le cadre qui a été déposé, entre guillemets, hein, on n'a pas fait de déposition institutionnelle comme certains l'entendent. C'était un cadre de très important de veillons les. Pour vous donner un exemple, les barrières de genre ont été pétées. En fait, on disait les copaines. Et c'était assez rigolo parce que du coup, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, mais on dit une copaine, un copaine, des copaines. Je fais, laisse tomber, des copaines. Et dans ce cadre bienveillant, on avait aussi mis, faisons confiance les uns et les autres. Mettons les étiquettes de côté et mettons les égos de côté, ce qui est pas évident. Quand vous avez pendant une occupation différentes idées, différentes valeurs, différents âges aussi, mais en fait ça s'est pas vu tout ça. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'on a vécu c'est encore difficile, c'était tellement ouf, une solidarité comme jamais j'en ai vu, alors que j'ai quelques années de compteur de militantisme. Des gens qui nous ont apporté de la bouffe, des outils. C'était les copains du carnet ont halluciné 3 jours ce qu'on avait, alors que eux, en l'espace d'un mois, ils avaient moins que ce qu'on a eu. Donc ces valeurs-là, on les a mises. Au bout de 7 jours, on a commencé à se dire faudrait peut-être qu'on s'organise un petit peu plus quand même. Parce que les problèmes commençaient un peu à apparaître, c'était un peu le bordel. Au niveau de certains trucs à gérer. Et au bout de 7 jours, on s'est organisé, s'est créé un noyau dur d'une douzaine de personnes de mémoire, à faire des réunions, une le matin, une en fin d'après-midi, pour un petit peu mieux s'organiser au niveau de l'occupation. Et en fait, il n'y avait pas de chef, mais on a trouvé un système un peu avec différents coordinateurs et qui s'occupaient de l'espace cuisine, des chantiers, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, des médias, de la vigie, enfin de la porte, puisqu'on était dans un terrain qui était barré de barrières pour nous défendre, un ancien terrain qui servait de stockage de travaux, d'engins de travaux et qui allaient être réutilisés. Parce que je l'ai pas précisé, mais on a occupé aussi parce que les terres étaient à nouveau menacées là, avec cette histoire de gare, de commencement de travaux. Les travaux sont en cours. Voilà un petit peu pour l'autogestion qu'il y a eu sur cette ZAD. On a été un peu une école aussi. Il y avait beaucoup de gens pour qui c'était la première fois sur une ZAD. C'était la première ZAD en Ile-de-France. On savait qu'on faisait quelque chose d'historique, mais croyez-moi, en fait, on n'avait pas le temps de se dire qu'on faisait quelque chose d'historique, et on s'en foutait un peu, puisqu'il fallait avancer et qu'on était là pour lutter pour la défense agricole. On a eu beaucoup, beaucoup de presse, donc il a fallu gérer la presse. On a mis des protocoles presse en place avec des jours de cagoule, qui étaient le mercredi, samedi, dimanche, parce qu'on a vécu ça dans un contexte Ile-de-France qui est très particulier. Que dire de plus, on a lutté aussi Cayette, c'est-à-dire que voilà, zone à défendre, il y a un côté militantisme et on n'était pas là pour se faire bronzer au soleil le samedi en écoutant la fanfare invisible, ce qui n'était pas évident aussi de trouver tous ces équilibres en tout ce que je viens de vous dire. Au final, pour nous, je vais laisser parler les autres copains après, ça a été mine de rien, une victoire, même si on s'est fait expulser au bout de 17 jours. Parce que, clairement, il n'y a personne qui pensait qu'à Gonesse, on allait créer une ZAD. Des gens qui comptaient sur nous. On a réussi à sortir de tout le bourbier du militantisme d'Île-de-France qu'on connaît plus ou moins, de le faire de façon autonome, de faire en sorte que ça se passe bien pendant 17 jours. On a eu un seul problème avec une personne, et encore, cette personne est partie avant qu'on lui demande d'arrêter, d'avoir des propos sexistes, etc., etc. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans une histoire assez récente. Ça a été beaucoup inspiré de ce qui s'est passé en Espagne et tout à l'heure pendant le 15e et pendant tout le mouvement du municipalisme qui a eu lieu après, avec ses défauts et ses qualités. Et on a montré que c'était possible de le faire en Ile-de-France. Et ça, c'est une porte qui s'ouvre. y a une énergie derrière qui est assez hallucinante, qui à la fois nous porte et qui est à la fois très effrayante aussi. Et n'ayons pas peur de se faire déborder, n'ayons pas peur, ayons confiance en nous, mais aussi aux autres. Et il peut se passer des trucs aussi magiques que ce qui s'est passé. On est toujours sur la lutte, on a toujours des actions, il y a des envies de réoccupation. Le gouvernement maintenant, Macron et Castex, ont le fait d'abandonner cette gare en plein champ. Donc on a une première grosse victoire sur Europa City, on a une première Z en Ile-de-France, on aimerait bien être la première gare du Grand Paris inutile à être abandonnée. Merci encore à tout le monde et je laisse les autres copains parler. Et franchement, si vous avez un jour la possibilité de kiffer ce truc, bah, kiffez-le à donf parce que c'était un truc de ouf. Voilà, merci. Bah du coup sur la Z avec 20 et bah t'as vachement fait le tour de un peu comment c'était de vivre ça un peu au jour le jour. C'était bah du coup le chaos et vraiment une expérience de d'autogestion qui grandissait et qui grandissait et qui grandissait. Et j'imagine que c'est un petit peu ce que a essayé de faire la commune aussi. Et il y a eu tout plein d'autres tentatives dans le temps et dans le monde d'autogérer des zones, des lieux, à petite ou grande. Et moi, ce que je retiens de l'expérience, en tout cas, c'est que ça a été une organisation qui s'est créée de manière extrêmement organique, comme tu disais. Genre, on laisse faire juste les choses comme elles viennent, jusqu'à ce qu'il y a un petit de coordination ou d'avoir une vue d'ensemble pour mieux comprendre ce qui se passe et organiser la vie collective sur le chantier, justement par rapport à la vaisselle ou la cuisine ou l'acheminement de nourriture ou de matériaux. Et qu'est-ce qu'on construisait? Parce que là, notre première question, ça a été comment on s'abrite du froid du froid et de la neige, et mais sur d'autres endroits ce serait d'autres problématiques. Et ce que je veux dire, ça rejoint moi, ce qui me reste en tête, c'est la question qu'une personne est venue poser, genre par rapport à l'autogestion. Est-ce qu'on pense que on peut autogestionner une ville comme une mairie autogestionne une ville? Et moi, je pense pas, justement. Si on essaye de faire collectivement les choses, on gère les problèmes à petite échelle et on va se concentrer sur résoudre les problèmes qui apparaissent. C'est juste un modèle qui est applicable à tout, quoi. Je sais pas trop vers quoi me diriger d'autre. Et après, bon, la ZAD, ça a été une expérience. Et c'était aussi justement pour défendre des terres agricoles, pour qu'on puisse les utiliser pour produire de la nourriture autour de Paris, pour Paris, enfin pas pour Paris vraiment, mais pour les villes alentour de Paris, Villiers-le-Bel, Gonesse, Argenteuil, je crois. Ça, ça rejoint, enfin c'est primaire comme question, et j'ai l'impression qu'il y a tout qui se mélange. Et que vu que les manifs ça marche pas trop, faut bien occuper et là, au lieu de demander au pouvoir de changer leur façon de faire, parce qu'ils vont pas le faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter des choses par rapport à justement la mise en place et tout le contexte qu'il y avait autour? Ou s'il y a aussi, d'ailleurs, des personnes qui souhaitent poser des questions, faire des remarques là-dessus. Hein. Chacun peut prendre la parole. Ouais. J'ai une petite question aux camarades de la ZAD. La première, c'est... moi, j'ai entendu parler de la mobilisation autour de la ZAD de Gonesse qui concernerait un quart des terres, comme l'a rappelé le camarade tout à l'heure, ce n'était pas une mobilisation qui datait du mois dernier. Et je voulais juste savoir, est-ce que la mobilisation est maintenue pour empêcher la construction, bétonner les trois quarts de ce triangle? et si vous avez des éléments à rajouter sur ce point. Et le deuxième point, c'est comme on a vu dans le passé, par exemple, pour la ZAD Notre-Dame-des-Landes, quand on a commencé à constituer des comités de défense de Notre-Dame-des-Landes un peu partout en France et même dans les petites villes. Moi, j'habite Saint-Denis, je me souviens avoir fréquenté un comité de défense qui ne se limitait pas dans sa vie collective et militante à défendre la ZAD et à en faire un peu là, et à parler de la ZAD et tout ça, mais qui était impliqué aussi dans le réseau local. Donc je voulais savoir si vous avez déjà lancé ça ou si c'est toujours encore une perspective à avoir de la ZAD de Gonesse, même si l'expulsion a eu lieu. C'est après. Qui veut réagir là-dessus ? Bonjour à tout le monde. Ben, y a la ZAD de Grignon, là, non ? Il y a Gros Paritech qui occupe... Enfin, les étudiants et étudiantes d'AgroParisTech qui occupent 300, je crois, vers à Grignon, dans les Yvelines. Voilà, bah, voilà, je pensais à ça. Quoi vous dire ? Moi, j'occupe le périph, personnellement, j'ai planté des arbres, voilà. J'en suis là. J'ai eu pas mal de... Ouais, j'ai beaucoup milité et j'ai eu des procès. Ça m'a un peu fatigué, quoi. Du coup, j'essaie d'être dans l'action moins frontale. Mais bravo à tout le monde qui... Enfin, bravo, big up. Pour réagir. Et puis après, je donnerai... du coup, je te donnerai la parole pour que... de Peps... Oui, pour répondre et indirectement à la question, effectivement, sur Gonesse, en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de rencontres. Moi, par exemple, ma rencontre avec Gonesse est issue de 2016, avec un autre mouvement où à un moment donné, en fait, il voulait donner une dimension beaucoup plus nationale ou régionale que sur Gonesse. À l'époque, on était proposé de faire des comités des terres de Gonesse, un peu comme ce que pouvait être fait monde. Pour différentes raisons, ça n'a jamais vraiment très marché. Il y en a eu des comités qui ont été créés, mais qui finalement aujourd'hui n'existent plus vraiment. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que une bonne année, pendant un an, en fait, on a créé des événements qu'on a appelés ZAD Dimanche, qui était un événement donc tous les dimanches où on a invité des personnes à prendre la parole sur des luttes, des projets, sur d'autres ZAD qui ont pris la parole. Et on a toujours laissé cet espace d'expression qui ont renforcé également notre réseau. Et la dernière, c'est créer une, alors c'est pas très nouveau, mais une assemblée des luttes avec tous les espaces écologiques qu'on a appelé les espaces écologiques populaires. Là, on a des copains de Saclay, du plateau de Saclay, qui sont parmi nous, qui étaient en manifestation ce matin, 300 personnes, pour ce qui est énorme pour Saclay, pour avoir y été. C'est vraiment, c'est pas Saclay Paris, mais c'est Saclay très loin de Paris. Surtout quand vous venez du 93. Et donc, en fait, on en a profité pour créer les rencontres des espaces populaires. L'idée, en fait, c'était de renforcer nos liens avec les luttes, mais pas seulement avec les collectifs, que ce soit des AMAP, des jardins ouvriers, les personnes qui sont du collectif Saccage 2024, qui luttent contre les dégâts des Jeux Olympiques, avec notamment le collectif des Jardins des Liés, qui sont... partiellement menacés par un solarium et une piscine olympique, où ils ont commencé à détruire les arbres et enfin à nettoyer le parking qui était juste à côté des jardins, mais malheureusement pour préparer l'accueil et des engins qui détruisent les arbres. Et en fait, on s'est rendu compte que y avait une forme d'urgence en fait à se rassembler. Je ne suis pas un pro-défendeur de la convergence des BIP, mais est importante. Ce qui, on ne l'a pas dit Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a eu beaucoup de gilets jaunes qui sont passés aussi sur la ZAD, qui se sont retrouvés dans les cabanes, puisque certains avaient construit des cabanes sur des ronds-points, et dans l'esprit, mais qui découvraient aussi, et c'était assez rigolo aussi de cette rencontre qui n'est pas si évidente entre les milieux dits entre guillemets écolos, les zadistes et les gilets jaunes. Et là, je parle de choses vraiment concrètes et pas de participation un peu greenwashing à des manifestations. Il y a cette envie, ces rencontres se sont créées, il y a des groupes de travail, peut-être que la copine de Peps en parlera mieux que moi. Ça, c'est super chouette aussi. On sait que sur Gonesse, on est un peu symbolique au niveau de l'Île-de-France, on l'a toujours dit. On sait qu'il y a beaucoup de nous regardent qui sont venus sur la ZAD avec beaucoup d'envie, ça leur a donné beaucoup d'idées. Et on a toujours dit, avec beaucoup d'humilité aussi, parce que je pense que c'est important de garder cette forme d'humilité et de ne pas s'enflammer. Nous, on n'est pas donneurs de leçons, on n'est pas des profs ni quoi que ce soit. Peut-être un petit peu fou et on se met moins de freins que d'autres. Et on montre très tranquillement que des choses sont possibles. Et du coup, cette rencontre et ces espaces, c'est une première pareille en Île-de-France. Et on aura des ailes à d'autres. Le 11 avril, on est au parc Georges Valmont. C'est là où il y avait la fête de l'UMA. Hey ! Et du coup, pareil, c'est un parc qui est menacé de destruction pour mettre le village des médias olympiques. Et qui est menacé, ils ont commencé à détruire les arbres aussi. Voilà, il se passe plein de choses en Île-de-France, justice sociale, justice écologique, même combat. Et puis ils aident partout, parce que ça fait toujours plaisir de le dire, voilà. Merci. Je te rejoins complètement. Vous m'entendez bien ? Ouais ? Je te rejoins complètement dans ce que tu dis. Donc, moi, je suis Marjorie. Au départ, je suis gilet jaune. Et là, je parle au nom de PS93. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'habite à Pantin. Et il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Je prends 15 secondes pour mettre les idées au clair dans ma tête, histoire d'avoir un peu un fil. Donc voilà. Donc en fait, au départ, je suis gilet jaune. Et à l'Assemblée des assemblées de Commercy, au début des gilets jaunes, à la première assemblée des assemblées, j'ai rencontré des écolos qui voulaient faire le lien entre justice sociale et justice écologique. Et moi, c'était un sujet qui m'intéressait particulièrement parce que je connais un peu les questions de pollution, des questions de pollution industrielle. Et donc, avec un écolo, avec des copains libertaires, avec des gilets jaunes, on a décidé de monter une confédération qui s'appelle PEPS, pour une écologie populaire et sociale, et qui travaille autant du point de vue de la politique, un peu comme on le dit, que dans les luttes, et notamment dans les questions de réappropriation des communs. Ce qui fait que là, en fait, sur Pantin, on est directement touché avec les jardins ouvriers de Pantin par la question des jardins ouvriers d'Auberge. Ce sont les mêmes jardins. Et donc, on a fait partie, en fait, de l'organisation, de la mobilisation des jardins ouvriers à Pantin pour la réappropriation des terres. On fait partie des espaces de l'écologie populaire pour ce qui nous appartient en sens des communs. Et en parallèle de ça, on fait partie d'un autre collectif qui a monté, le copain il en a parlé tout à l'heure, avec des syndicalistes, des élus, des gilets jaunes, le CPPS 93 qui vise à se les services publics qui nous sont volés. Donc en fait, l'objectif, le principe, c'est vraiment ça, c'est comment faire en sorte de rétablir la démocratie par en bas, par le biais de groupes autogérés pour aller vers une société écologique qui allie à la fois la justice sociale et la justice écologique, parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà. Et donc, on se revendique de communalistes, vu qu'on fonctionne. Et demain, la page Facebook de PEPS, on fait un débat ouvert sur justement la commune hier et aujourd'hui et les questions de réappropriation collective, avec notamment qui est à l'initiative de l'Assemblée des assemblées de Commercy. On a aussi un gilet jaune qui a été élu sur une liste communaliste. On a, alors je ne me souviens plus son nom, je vous dis tout de suite, Ludivine Blantini qui a travaillé sur la question de la commune de Paris. Jim Delémont, qui est l'un des acteurs de la lutte contre Notre-Dame-des-Landes, et Gus Massia, qui est une personnalité du mouvement altermondialiste. Donc vraiment l'idée, c'est au carrefour de toutes ces luttes-là, parce qu'elles elles sont toutes reliées au système capitaliste que nous dénonçons et contre lequel on propose une alternative sur les communs et sur la réappropriation collective. Voilà. Merci beaucoup. On fera un petit peu les questions remarques après parce qu'on a deux amis qui doivent partir et qui devaient notamment présenter la politique des logements et bon de l'internationalisme. On verra. Je lis rapidement le petit texte de la commune et puis je vous passe la parole là-dessus. Donc la commune et la question des logements. Si je le retrouve. C'est là. 29 mars. Vas-y. Oui, alors donc la commune, elle a fait deux décisions qui sont extrêmement importantes au niveau du logement. Et en fait, ce qui dans le contexte de l'époque, c'est que en gros, donc avant la commune, il y a le gouvernement de Napoléon III qui est au pouvoir, donc depuis 1851. Et durant ce gouvernement, Paris subit des modifications extrêmement importantes hein, sous notre baron Haussmann. Donc ça crée des espèces de phénomènes de spéculation extrêmement importantes. Et ça fait que les populations pauvres de Paris sont obligées de déménager vers les périphéries, pendant que le centre de Paris s'embourgeoise. Donc c'est des logiques qui sont extrêmement... par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui, à plus grande échelle, certes. Et ce qui est intéressant de voir, du coup, c'est dans ce contexte, quelle décision la commune a prise, en sachant que la situation des Parisiens et artisans, elle va énormément se dégrader au tout début du siège. Alors elle va se dégrader pourquoi ? Parce que tous les bourgeois sont partis de Paris et les ateliers, les fabriques ont été fermés à ce moment-là par ces bourgeois. Donc la plupart des gens sont au chômage, se retrouvent au chômage. Donc après, il y en a un petit nombre qui s'engagent dans la garde nationale, se survivre un peu comme ils peuvent, mais la majeure partie de ces gens tombent quand même dans une précarité extrêmement importante. Donc il y a eu un premier moratoire à cette occasion sur les loyers qui a été fait par le gouvernement versaillais, donc parisien, mais ce moratoire sur les loyers, il va être justement annulé. Donc le 10 mars, il me semble, par ce gouvernement versaillais. Et donc, quand la commune réussit à s'imposer, sa première décision, 29, de rétablir ce moratoire sur les loyers. Et elle va avoir une décision qui va beaucoup plus loin, le 25 avril 1871. Avril 1871, il va y avoir un décret qui autorise la réquisition des appartements laissés vacants. Et donc, ça c'est un décret du coup qui peut pas mal nous inspirer, surtout dans cette période trouble. Enfin, les deux décisions de la commune peuvent nous inspirer, surtout dans cette période de coronavirus, peut-être. Et pour parler un peu du contexte actuel et de ce qu'ils font dans ce contexte, on a l'association Réquisition, donc qui va parler maintenant. Ah oui, et après il y aura aussi quelques personnes issues du mouvement squat qui vont parler aussi de cette histoire du logement, de comment on peut se réapproprier le logement. Merci. Là ça fonctionne, ouais. Bonjour, ouais, donc nous on fait partie du collectif Réquisition. Et donc là, c'est tout à fait ce que vient de dire plus fort. Ouais, alors on est membre du collectif. Et c'est tout à fait ce dont vient de parler cette personne sur la commune. C'est exactement la même chose. On demande à l'État qui a les outils à sa disposition dans la loi. Il y a plusieurs lois de réquisition, notamment celle de l'ordonnance de 45, qui donne à l'État la possibilité de réquisitionner des bâtiments vides, des bâtiments qui appartiennent à des personnes morales, donc soit à l'État, soit à des banques, des fonds de spéculation, et on sait qu'à Paris, il y en a beaucoup, pour loger des mal logés ou des sans-abri. Et donc là, on a fait plusieurs actions octobre dernier pour demander pour des actions d'urgence, pour demander des mises à l'abri de personnes qui sont encore à la rue. Mais derrière, les revendications, c'est vraiment que l'État active cet outil et qui permette que les personnes ne soient plus dans des hébergements insalubres, changés tout le temps. Ou à la rue. Ou à la rue. Allô, allô. Ah, c'est mieux. Et du coup, parmi les actes, il y avait l'occupation de l'école maternelle dans le 16e arrondissement. Et du coup, c'était assez intéressant de ramener des personnes qui sont poussées en banlieue, dans les rues de Saint-Denis, invisibilisées sous les ponts, ou alors remises à la rue, ou alors obligées de s'installer dans des squats loin dans la banlieue. Enfin, tout le monde était très partant pour les ramener au cœur de Paris dans le 16e arrondissement. Ben, on y est resté que quelques heures finalement, mais c'était tout de même symboliquement un moment fort. Et puis par la suite, il y a eu juste à côté l'Hôtel Dieu, donc j'imagine, voilà, où on est rentré avec les membres du collectif Réquisition pour demander la mise à l'abri de ces personnes, notamment c'était en février dernier, pendant la période de grand froid. Et enfin, il y a eu... Enfin, ce jeudi, l'occupation de Place de la République par le collectif Réquisition, qui a débouché sur 480 mises à l'abri et aucune présence policière, ce qui était un peu un pied de nez à ce qui s'était extrêmement mal déroulé en novembre. Place de la République, je pense que vous vous souvenez des images. Et du coup, pour démontrer aussi que finalement, la présence policière n'était pas nécessaire pour que... envenimait les choses plus qu'elle ne les apaisait, finalement sans présence policière ou en tout cas très modéré. L'événement s'est bien passé. Après, on est bien conscient que finalement toutes nos tentatives de demande de réquisition sont rapidement normalisées et reprises dans un système de mise à l'abri, donc dans un système qui existe déjà et qui a énormément de défaillances. On essaye d'être attentif à sensibiliser les personnes à leur droit au logement et à se mobiliser lorsqu'il y a des remises à la rue parce qu'elles sont illégales. Et sur le fond, on aimerait vraiment que le système d'hébergement d'urgence et ensuite le système de logement en général changent. Et pour ce faire, notamment sur la loi de réquisition qui nous permet d'avoir un levier pour essayer de demander à l'État de prendre ses responsabilités et aussi nous-mêmes prendre des responsabilités, bref, par rapport à cette situation, prendre les choses en main. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques là-dessus? Ouais, je vous amène le micro, vous me faites un petit signe de main et je vous passe le micro. Et puis vous dites quand vous devez y aller. Oui, alors excusez-moi, je suis désolé, mais question à la personne précédente, parce qu'il n'y avait pas eu de séquence question par rapport au PEPS, la dame qui avait parlé sur le PEPS. Juste une petite question et bravo pour ce que vous faites en tout cas. Et oui, c'est par rapport au commun. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse et je voulais savoir, est-ce que vous nous expliquez ce qu'est un commun? Alors, je m'explique. C'est-à-dire que, alors, quand je dis qu'est-ce que c'est qu'un commun, ça veut dire quel est son statut juridique, c'est-à-dire à qui il appartient, très concrètement, et par qui il est administré. C'est-à-dire comment on désigne, et je ne sais pas, justement, est-ce que vous pouvez nous... Parce que pour moi, si vous voulez, toutes les luttes dont on parle aujourd'hui sont fondamentales, mais... Le concept des communs, pour moi, c'est vraiment une idée structurelle. C'est-à-dire que si vraiment derrière, il y a quelque chose de concret qui pourrait s'étendre, pour moi, ça, c'est vraiment révolutionnaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, quelle est la fonction des communs et comment et par qui il est administré? Merci. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, faites un signe de main. Alors, merci pour cette question fondamentale. Je ne suis pas théoricienne, donc il y a des gens qui pourront beaucoup mieux l'expliquer que moi. Mais en gros, les communs, il y a des éléments qui... Donc l'eau, l'air, l'énergie, la culture, l'éducation, la santé. Ce sont des éléments en fait fondamentaux qui ne être dans les mains de gens qui de forces privées en fait. Ça doit pas être privatisé. Et donc ça appartient à l'ensemble de la population qui le gère dans l'intérêt général. On peut imaginer par exemple dans le cadre d'une commune que justement ces questions de gestion de l'eau, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, des espaces verts, ce soit qui débattus dans des assemblées de quartier souveraines qui décident en dehors des enjeux privés, parce que du coup là le privé n'a plus possibilité de faire la mainmise sur cette propriété. De ce qui est le mieux pour l'ensemble de la population en prenant en considération que c'est l'ensemble du vivant, la population faisant partie du vivant. Voilà, en gros avec mes mots. Merci. Bon, du coup, je me permets de vous poser une question parce que j'en avais une sur le collectif réquisition. Je me demandais un peu pour avoir une boîte à outils pour un peu tout le monde. Quand justement on a un bâtiment vide et qu'on veut l'occuper à l'État, c'est quoi un petit peu les outils pour éviter, qu'on se retrouve avec des amendes déjà, et que les personnes qui sont avec nous, qui vont occuper ce lieu, qui vont peut-être elles sans papier, par exemple, choses comme ça, se retrouvent ensemble, par exemple, voilà, que ça ne devienne pas un panier à salade. Donc c'est un peu ces éléments-là, comment vous faites ? Il y a peut-être des médias, il y a peut-être d'autres choses, c'était ça. Ouais, on compte vachement sur le rapport de force à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de moyens de protection. Les personnes pour faire les actions sont au courant des risques qu'elles prennent. Après, on essaye de protéger au maximum. Les personnes sont pas toujours... Enfin, disons que certains arrivent après, quand on sait que la situation est OK, qu'il ne va pas y avoir d'évacuation sale de l'heure. Sur les amendes, bah pareil, on attend de voir. Pour l'instant, ça se passe bien. Je pense que la préfecture et les pouvoirs publics sont plutôt contents de faire les choses de façon un peu discrète, donc de ne pas envoyer les flics. Ça leur permet de mettre à l'abri et du coup d'invisibiliser loin ou même dans Paris, mais qui sont peu visibles et où il y a peu de mobilisation autour. Et ça leur évite effectivement d'avoir encore ces images de Place de la République en novembre dernier. Ouais, c'est plutôt ça, je pense, en ce moment, ce qui est en action qu'on fait. On a directement des places d'hébergement qui se libèrent, alors que pourtant, d'habitude, elles sont pas là. Enfin, on se pose un peu des questions là-dessus. Et ensuite, on a ces... Je pense vraiment qu'on rentre dans un espèce de... Ouais, de situation où ils sont rentrés, eux, dans un jeu. Et nous, il faut qu'on réussisse à sortir de ce jeu-là, parce que là, ils nous invisibilisent directement, permettent pas qu'on porte les revendications de réquisition, parce qu'ils font direct les mises à l'abri, ils font les choses sans arrêter personne, ils pointent, mais on reste vigilant. Donc voilà, j'imagine que c'est un peu pour ça aussi que ça se passe bien. Et on va voir ce qui se passe dans les actions futures et dans les jours qui viennent aussi. Je sais pas si tu veux ajouter un truc. Donc vous avez pas eu besoin de faire des procédures judiciaires pour le moment? En fait, on a déposé des demandes de réquisition à la préfecture d'Île-de-France, enfin à la PRIF. Et en gros, on avait cité le texte de loi et chaque personne sans logis avait signé et on avait immense liasse à la préfecture en demandant l'application de la loi réquisition sur quelques bâtiments vides et jugés imprenables pour les squatteurs. Et on avait demandé à ce que ces bâtiments soient réquisitionnés pour ces personnes. Et comme on n'avait pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse, on a commencé par nous-mêmes. Et par la suite, on a eu des réponses négatives et on a continué à le faire par nous-mêmes du coup. Ça, c'était pour la partie vraiment procédure. En gros, on a imprimé le texte de loi et on a demandé la réquisition. C'est pas quelque chose que la préfecture a l'air de vouloir faire très... Et après, finalement, c'est sûr, on a sélectionné des bâtiments qui sont trop durs à prendre pour d'autres groupes de squatteurs et qui, comme ça, on ne grille pas des lieux qui seraient, où on pourrait faire un sous-marin et du coup l'ouvrir de façon plus classique. C'est une stratégie par rapport aux bâtiments. Au niveau du savoir-faire. et après, au niveau des procédures, c'est exactement ce que disait Oriane, c'est un rapport de force sur le moment. le fait d'entrer dans l'essai déjà de mobiliser les personnes qui ont plutôt un statut, des réfugiés déjà, etc. Et après, de peut-être dans un deuxième temps, appeler les personnes qui sont un peu plus vulnérables au niveau administratif. Mais c'est, et puis aussi, on donne la formation. Après, il y a des personnes qui sont qui risquent le crâne et qui elles considèrent que c'est leur lutte. Et voilà, enfin, elles veulent aussi faire partie de ça. Donc bon, c'est, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Et voilà, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, mais tu peux dire, enfin, elles sont visibilisées aussi. Oui. Oui, oui. Enfin, par exemple, la première action, les collectifs de sans-papiers étaient un peu en retrait pour voir comment ça allait se passer. Et après, en gros, on a aussi capitalisé sur ce qui s'est mal passé à République et le fait qu'ils ne voulaient pas reproduire ça. Et du coup, finalement, ils ont vu que ça s'était plutôt bien passé, qu'on avait obtenu des mises à l'abri. Et pour eux, c'est vachement important parce que ça leur permet d'accéder à d'autres, enfin, une adresse déjà et à plein d'autres ressources, voilà, administratives. Et ensuite, dans un SP, du coup, se sont un peu plus mis en confiance avec le collectif réquisition et se sont plus impliqués, voilà. C'est comme ça que ça avance, en fait. C'est en faisant ses preuves et en essayant de voir comment on travaille ensemble. Voilà. Ce que vous venez de nous raconter, ça m'a laissé une impression un peu bizarre. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui justifie, qui prouve que l'autogestion, s'organiser soi-même pour créer soi-même ce dont on a besoin, ça fonctionne. L'autre, c'est que ça montre l'incapacité d'une grosse structure, l'État, à prendre en charge ces choses à la base. Et c'est là où j'ai un problème, ça me fait une impression bizarre, c'est que dans la situation... Vous palliez une incapacité du gouvernement pour permettre de faire respecter les droits. Et c'est formidable. Ça, c'est le beau côté des choses. En même temps, ça fait un peu peur parce que du coup, ça veut dire que nos dirigeants, en fait, ils servent à... Mais si je peux me permettre de rebondir, c'est là où vous avez dit tout à l'heure que vous aviez peur de vous retrouver dans un piège. Et j'avais pas très bien compris parce que je me disais en quoi ils sont piégés parce que les gens ils sont mis à l'abri. Donc en soi c'est réussi, enfin quand même de base il y a une réussite, mais c'est un peu ça à quoi le piège. C'est ça, c'est que du coup les gens sont mis à l'abri mais dans des systèmes qui sont défaillants, défectueux, c'est dans des endroits où ils vont se faire remettre à la rue assez rapidement, des lieux insalubres, des lieux qui conviennent pas, des lieux où il n'y a pas d'intimité, où les gens n'ont pas forcément envie de vivre. Il est sur comment ils voulaient vivre dans ces lieux, dans quel lieu ils voulaient vivre, qu'est-ce qu'ils voulaient construire. Et du coup, en faisant ça, effectivement, on pallie au manquement de l'État, on leur donne un peu les clés, on permet aux personnes d'être mises à l'abri, mais derrière, dans quelque chose qui convient à personne. C'est pour ça qu'on demande la réquisition, parce qu'avoir des bâtiments à disposition, ça permettrait de réinventer aussi d'autres façons de vivre ensemble. Pour ceux qui ont envie juste d'avoir un appartement tranquille, tout seul, et ben c'est possible, et c'est stable, et c'est pérenne, et c'est beaucoup plus décent. Et du coup, c'est là où passer, là, toutes les actions qu'on a faites, c'était des mises à l'abri d'urgence. Et c'était effectivement, il fallait que ce soit fait parce qu'il fallait que les gens soient mis à l'abri. Il fallait qu'ils soient rendus visibles aussi parce qu'à force de plus voir les gens qui dorment sous des ponts, qui se font chasser, gazer, pourchasser par les flics la nuit, on oublie qu'ils existent, plus personne. Donc il fallait que ça passe par là. Il fallait que les personnes puissent rentrer dans un système parce qu'il faut qu'ils puissent avoir leur procédure pour certains de demandes d'asile, pour d'autres de régularisation. Mais c'est pas suffisant. Et on voudrait inventer autre chose avec les premiers et leur demander ce qu'eux ils veulent et construire ça dans des endroits qui permettent ça et pas dans des centres d'hébergement d'urgence ou des CADA ou des endroits comme ça. Et c'est là où passer par la réquisition ça peut être intéressant, mais où effectivement il faut qu'on fasse attention, on est un peu sur un fil entre on pallie juste au manquement de l'État et on réussit à obtenir quelque chose de plus et qui là pourrait permettre vraiment quelque chose qu'on fait ensemble. Je sais pas si ça répond bien, ouais. Enfin, déjà, je trouve ça super ce que vous faites. Et puis, par ailleurs, enfin, nous, pendant quelques années, on a eu maille à partir avec le 115. Donc, on connaît bien le drame que c'est avec les punaises, pas d'accès à des cuisines, machin, etc. Les gens déplacés à des milliards de kilomètres avec un bus à 20 minutes étaient 45 enfants, étaient 27 valises. Donc, pour moi, le 115, c'est une catastrophe. Et je connais même des familles qui préféraient aller chez des marchands de sommeil que rester au 115 tellement c'était dur. Et en plus, ils y restent des années. Moi, ma question, c'est de savoir sur Tout ça, c'est un système économique monstrueux, en fait. Et là, très récemment, pendant le confinement, il y avait des profs qui expliquaient que non seulement il y avait le 115, mais il y avait en plus des gymnases et des associations. Il y avait par exemple Alter Alia Aubervilliers qui récupéraient des bâtiments publics pour loger des familles dans des... je crois que c'était des familles isolées avec enfants dans des conditions épouvantables. Et j'imagine que là-dessus, en plus, c'est public. Et donc, du coup, est-ce que dans ce que vous faites, il y a aussi une mise en visibilité de tous ces intérêts croisés parfaitement hypocrites et assez criminels, il faut le dire quand même. Est-ce que vous le faites pas? Vous avez envie de le faire? Et comment on peut éventuellement travailler ensemble sur des questions comme ça? Oui, tout à fait. On veut le faire. En plus, à l'intérieur du collectif réquisiteurs, associations et collectifs, donc il y a principalement le DAL, droit au logement, collectif d'enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, le collectif des jeunes Chadiens, Solidarité Migrants Wilson, Utopia 56 et Paris d'Exil, et les marches des solidarités, les CSP 75 et les CSP. Donc du coup, on est sur des personnes qui ont plein de réalités très différentes, des accès à des hébergements très différents les uns des autres, ce qui est super intéressant parce que ça permet de justement faire un peu une compilation de tout ce qui se passe un peu partout, à tous les niveaux, les droits des uns à tels endroits. Essaye vraiment de mobiliser autour de ça. Ça fait longtemps qu'on critique et qu'on essaie de mettre en lumière comment certains centres sont gérés, comment certains opérateurs sont vraiment devenus... c'est des opérateurs qui sont à but... C'était des associations à but lucratif. Donc on se cache même pas sur le fric. Et pour en faire, on va moins dépenser d'argent dans la nourriture, dans les draps, dans les assistants sociaux. Donc à la place, on va mettre un vigile et on va enlever 3 assistants sociaux, ça coûte moins cher. C'est ce genre de réalité-là, et ça fait longtemps qu'on essaye chacun dans nos associations de mettre un peu en lumière ça. Avec le collectif de réquisition, c'est ce qu'on peut réussir à faire en portant cette idée des réquisitions et en montrant à quel point le système actuel est complètement défaillant et dysfonctionnel et pas du tout correct, quoi. On est en alternative en quelque sorte, mais ouais, voilà. Je sais que c'est compliqué, mais c'est super parce que l'hypocrisie et le gouvernement, je repense au gros camp de migrants qui était porte de Paris à Saint-Denis, où effectivement, sous prétexte de mise à l'abri, en fait, il y a quand même eu plein de vidéos de cars qui ont été remplis de migrants. Et puis, 1 kilomètre plus loin, on vide le car, on éparpille les dispersés. Le car revient, reprend son lot de migrants, censés être vers un lieu d'hébergement et de mise à l'abri. Et puis, en fait, on les relâche et on les disperse. Voilà, c'est-à-dire que l'hypocrisie, elle est encore pire. Et donc, déjà, c'est bien que vous arriviez à oser faire au mieux. Mais c'est sûr qu'il y a de sacrés trucs à modifier. Ce que tu viens de dire sur la rentabilité financière, ça m'a fait penser au groupe SOS, une association, une grosse association qui, quelque temps, a créé SOS Migrants, qui, justement, s'occupe de l'hébergement de migrants. Et dans sa plaquette présentative, le groupe SOS précise que l'objectif est d'obtenir la meilleure rentabilité financière possible et avec des bénéfices pour les bénéficiaires, des retombées pour les bénéficiaires. Mais avant tout, par le biais des subventions, entre autres, le but, c'est d'être le plus rentable possible. Et maintenant, ils ont fait des personnes sans-abri, des migrants, des SDF, de toutes ces personnes en difficulté, ils ont fait un marché bénéfice. Merci. Effectivement, cette remarque, elle est extrêmement... intéressante parce que on regarde les politiques migratoires, on se rend compte que c'est un laboratoire pour tout ce qui va être mis en place ensuite auprès des nationaux. On teste des techniques de gouvernance, que ce soit de la sous-traitance aux frontières, que ce soit de la sous-traitance en matière d'hébergement. Vu que ce sont des personnes qui sont en probation lorsqu'elles demandent l'asile ou alors sans droit lorsqu'elles ont été déboutées ou alors qu'elles sont arrivées sans papier, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre et sur lesquelles on peut effectivement tester des techniques de gouvernance qui sont extrêmes. Et ensuite, on voit que petit à petit, ces techniques de gouvernance sont appliquées beaucoup plus largement. Et ça, c'est, je pense, part de nos engagements communs. C'est qu'effectivement, on vient défendre les personnes migrantes, exilées, tout ce qu'on veut, mais on se défend nous-mêmes aussi en le faisant. et notamment face à toutes ces techniques qui peuvent être discrètement, on va dire, mises en œuvre et testées sur des publics vulnérables, élargies à l'ensemble de la société. Du coup, voilà, je trouve que c'est pertinent comme remarque. Oui, mais en tout cas, oui, tout est un marché et je pense que le marché de la migrantière ou des hébergements, malheureusement, c'est un marché qui rapporte beaucoup. Et je pense qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les frontières soient ouvertes et que la libre circulation soit garantie, parce qu'il y en aurait beaucoup qui perdraient de l'argent, notamment des grandes entreprises, dans le marché de la surveillance, de l'hébergement, de pas mal de choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses par rapport à ça ? Décidément, on ne va pas vous laisser partir. C'est juste une réaction par rapport au groupe SOS, parce que avant c'était l'ASFAM de Vincennes et l'ASFAM a été absorbée par le groupe SOS, donc ils font du bénéfice vraiment sur tout. Ok, d'autres personnes qui souhaitent intervenir là-dessus ? Sinon on peut justement réquisitionner dans le logement vide, etc. Est-ce que c'est un petit peu l'expérience du squat aussi ? Et comment est-ce que ça permet à beaucoup de personnes d'être à l'abri ? Et puis il y a une telle désinformation en ce moment là-dessus que je pense que ça peut être bien d'avoir quelques petits témoignages. Ça a l'air trop cool ce qu'ils font au collectif Réquisition. Franchement, je suis en admiration. Et moi, ici, avec quelques amis aussi squatteurs parmi nous, et on est dans un vieil hôtel, ancien hôtel abandonné, dans lequel il y a à peu près une cinquantaine de chambres, pas toutes utilisables et tout. Et il tient debout depuis un an et demi, bizarrement, on ne sait pas trop comment, on ne pensait pas qu'on allait rester comme ça longtemps. Et s'il y avait... Honnêtement, on n'était pas comme ça organisé. Le collectif, les gens qui s'occupent un peu de la gestion au jour le jour, ça change presque tous les 2-3 mois. Et on est vraiment dans des roulements et dans un chaos un peu continu. Donc c'est difficile de dire exactement ce qui se passe. Mais il y a justement des roulements entre des gens qui viennent habiter de manière un peu plus durable dans le squat et des gens qui sont là pour un abri temporaire jusqu'à ce qu'ils arrivent à se mettre un peu en situation de trouver autre chose ou de patienter pour que les démarches administratives passent. Parce qu'il faut attendre longtemps. Et ça permet d'être un point de chute avant de passer à quelque chose de plus dans le système ou aider. Et je sais pas, ça se passe bien, ça se passe mal. On essaye de faire ça de manière collective, je sais pas. Chacun a son confort et puis chacun donne comme il peut, soit en faisant la récup ou en faisant la récup de nourriture, d'habits, de matériel type couverture, chauffage, matériel électrique. Parce qu'on a dû tout retaper depuis zéro, presque. Et comme sur les ZAD, comme sur tout lieu autogéré, ça s'est fait de façon... Quand on avait les moyens, on avançait. Quand on avait le temps, on pouvait se mettre, taper un salon ou réaménager la cuisine. Parce que on a eu des petites problématiques justement avec le Covid. On était vachement les uns sur les autres dans des conditions pas très sanitaires au début. Et puis on a dû au fur et à mesure du mois s'arranger pour espacer l'espace cuisine, faire plusieurs là-dedans. Parce que aussi avec l'arrivée de l'hiver, il y avait de plus en plus de monde qui avait besoin de logement. Donc on a dû le groupe a grandi et tous les espaces ont dû être agrandis petit à petit, faire d'autres salons pour pas qu'on soit tous ensemble en même temps dans les espaces communs. Et il faut survivre un peu à tout ça. Et ça se faisait avec de la récup, sans Oui, quand chacun y mettait son temps. Alors maintenant, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou quoi, parce que moi, je ne sais pas trop sur... Commencer tout simplement. Qu'est-ce qui motive à s'installer dans un squat ? Ben, ça dépend des gens. Pour certains, il n'y a pas d'autre choix. Il y en a peut-être qui débarquent. Il y en a qui sont débarqués vraiment par hasard après une soirée, qui sont restés. Il y en a pour qui c'était un choix. Moi, c'était un choix motivé aussi parce que vraiment difficile de trouver du boulot en tant qu'illustrateur ou quoi que ce soit, et puis par deux motifs par rapport à la société. Et qu'au final, ça donne une grande sécurité. Pour moi, en tout cas, ça me donne une grande sécurité d'être en squat, d'être en collectif. Parce que quand ça va pas, quand il n'y a pas l'argent, à un moment donné, il y a une équipe. Tu n'es pas obligé de toujours te nourrir tout seul. Tu peux ta motivation autour de toi pour faire améliorer ton confort, récupérer des trucs, apprendre à construire, réparer des choses. On apprend vachement plus de compétences utiles à la débrouille, quoi, pour quand ça va mal. Oui, moi, c'est une question par rapport à ce que tu viens de dire sur... parce que tu parles de la débrouille, alors que dans ce que vous dites, ça donne l'impression d'une... D'un travail qui a de la valeur, tu vois. Et c'est pas parce que le travail n'est pas monétisé qu'il n'a pas de valeur. Et du coup, c'est cette question de... parce que dans ce que tu viens de décrire, il y a quelque chose de vachement... d'abord de solide, de solidaire, d'organisé, et tout un savoir-faire que vous acquérez collectivement. Donc ça paraît un modèle, tu vois, plutôt. Et en même temps, est-ce que... vous arrivez à le valoriser, à le vivre comme un modèle, ou est-ce que vous le vivez comme un système de débrouille, tu vois, ça pourrait être aussi revendiqué. Et puis je pense qu'il y a un moment, les mouvements des squats, ils ont revendiqué que c'était un modèle, quoi. Peut être un modèle. En tout cas, moi, je me dis que même les blocs d'appartements, ça serait plus sympa à vivre s'ils étaient gérés collectivement, même si chacun a son espace et tout. C'est plus sympa. On est plus aussi avec l'isolement, les confinements et tout ça. Vivre en collectivité, du coup, dans un squat, t'as beaucoup moins l'impression d'être isolé. Et quand même, tout le monde s'isole un peu plus de l'extérieur. Même en étant isolé de l'extérieur, on est quand même moins isolé entre nous. Après, y a plein de problèmes. Comme je disais avant, c'est pas la joie et le bonheur tous les jours. Justement parce que t'as des problèmes d'ego, t'as des problèmes. Toi, tu peux pas blairer l'autre personne. Et il y a toujours 2-3 personnes qui n'arrivent pas trop à se parler, etc. Et ça joue aussi sur les enjeux collectifs, genre qui a accès à quelle chambre et ce genre de trucs, ou qui peut faire quoi parce qu'il n'y a pas le soutien. Je sais pas, moi, ce qui est un modèle, c'est de juste travailler à continuer à pas se laisser marcher dessus, ni par ceux à l'intérieur du collectif, l'extérieur, le monde, quoi. Oui, moi je voudrais juste profiter d'avoir ce micro et qu'on parle des squats pour soutenir le laboratoire zéro déchet à Pantin le lundi à Saint-Denis. Ils sont menacés d'expulsion actuellement et qui sont des lieux, pour moi effectivement, des lieux d'éducation populaire à part entière. Après, il y a des obédiences dans certains squats, il y a des squats qui sont plutôt artistiques, il y a des squats qui sont plutôt pour aider les migrants, il y a des squats qui sont pour le logement, un peu tout. Et c'est souvent des endroits qui sont avec des histoires, des clichés, etc., etc. Mais c'est des endroits qui permettent surtout des rencontres humaines. C'est des endroits sur lesquels on peut se réunir, surtout dans ces périodes de Covid, etc., etc., sont fermés, la bourse du travail est fermée, les bars sont fermés, les parcs sont pas vraiment fermés, mais bon, bref, avec des conditions pas super pour se voir. Et ça, c'est hyper important, en fait, c'est un maillon de notre chaîne, entre guillemets, c'est très bizarre les mots que j'emploie, mais qui n'a pas de prix, qui est souvent complètement déconsidéré. Malheureusement, on a l'exemple avec le Landy sur Saint-Denis actuellement. C'est hallucinant ce qu'ils veulent faire. Et je dirais d'une manière un peu plus, effectivement, il y a un historique dans les squats. Il y a des équipes d'ouvreurs de squats, etc., etc., qui souvent partent de groupes affinitaires, d'idées politiques aussi. Je ne suis pas un squatteur, hein, je précise, mais pour certains c'est aussi un mode de vie, c'est un choix de vie de sortir de cette société marchande et de ne pas pouvoir payer un loyer, de ne pas vouloir travailler, etc. Donc on retrouve beaucoup de profils complètement différents dans ces lieux qui ont souvent à peu près leur propre organisation d'autogestion. Tous ne fonctionnent pas pareil. Tous n'ont pas forcément d'entrée, il y a des choses qui se retrouvent, il y a des moyens d'organisation, voilà, il y a des fils rouges quand même. Et c'est là où c'est très intéressant, dans ces lieux autogérés. Et c'est aussi, je terminerai mon intervention, tout à l'heure on parlait de Gonesse, mais pour tout un tas de mouvements, d'associations, c'est pareil, un facteur essentiel. Et qui aident énormément, et je pense que l'État, le gouvernement le sait, pour eux c'est des espèces de zones de non-droit, et c'est aussi pour ça que comme ils n'ont pas le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur, on les expulse malgré tout le bien qu'ils peuvent faire au niveau du quartier, puisque souvent aussi il y a des liens qui sont faits avec les habitants du quartier, et ça c'est aussi parfois, ça peut être gentrificateur. C'est des grosses questions parfois qui se posent dans des squats, dans certains endroits, comment ne pas gentrifier un endroit, mais ça dépend beaucoup des personnes qui le mènent. Et là, en fait, on sait pertinemment que c'est de la précarité, c'est de la durée à durée déterminée. Le Landy Sauvage à Saint-Denis, avant c'était le Clos Sauvage, c'est le quatrième lieu, si je ne me trompe pas. Il y en aura sûrement un cinquième, je l'espère, parce que franchement, en ce moment on a des grosses pensées à eux parce que c'est pas souvent des moments super cool, les expulsions. Il y a un an on était très nombreux à soutenir le Landy, ils avaient tenu, je sais pas les décisions qu'ils vont prendre, on va du dialogue avec la mairie entre guillemets, le dialogue, mais j'espère en tout cas que si cette expulsion est ordonnée, qu'il y aura énormément de monde, et pareil pour les copains de Pantin et tous les autres Pantins. Et je sais qu'ils étaient pour la régularisation de tous les squats, notamment aussi avec une convention avec la ville de Saint-Denis. Donc c'était pour vous démontrer en fait dans quelle énergie ils sont. Et ça aussi c'est admirable, de ce soutien et ce collectif, ce réseau entre guillemets intersquat. C'est quelque chose qui est précieux aussi, mais voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est pas vraiment le lieu et il y a plein de gens qui nous écoutent. Au revoir, Sathlé. Au revoir. Il y a des gens qui sont venus de Sathlé, c'est ouf quand même. À bientôt. Du coup, là, par rapport au collectif qu'on avait invité pour parler des pratiques actuelles, il me semble que toutes les personnes ont à peu près parlé, mais on voulait revenir sur d'autres choses, même si on n'a pas de témoignage actuel sur ce qui se passe sur ces thèmes-là. La question de l'internationalisme qui a été très présente pendant la commune, celle aussi de la justice, et puis la question aussi des femmes, du rapport de domination masculin. Et même si, voilà, là, de toute façon, enfin, on peut énormément de choses qui se font en ce moment, même si on n'a pas des gens précisément pour nous en parler. Donc on vous propose de terminer un peu la journée sur ces éléments-là qui sont passés pendant la commune, l'héritage qu'on a de ça vers aujourd'hui, et puis ensuite d'ouvrir un petit peu aussi sur les autres choses, et d'ailleurs justement ça peut être en lien avec ça ou avec d'autres, qui nous restent à créer, comment est-ce qu'on peut... On a eu quelques petites recettes, je vais dire ça comme ça, pour mettre en place des choses, mais il y a encore plein d'espace à investir, c'est le cas de le dire, puisque le thème de la journée c'est l'appropriation. Donc... Et du coup, pour enchaîner un petit peu et faire le lien avec la commune, les réalisations de la commune, pour peut-être montrer la dimension internationaliste de la commune de Paris, c'était d'abord des mesures qui ont été prises pour éliminer une certaine étrangeté, une phobie et une altérité de l'intérieur, et celle de l'extérieur. Étaient étrangers à l'époque des gens d'autres lieux de France. Les ouvriers qui venaient travailler à Paris, qui viennent de Bretagne ou d'Auvergne ou du Piémont de l'époque, avant et après son annexion, étaient considérés comme étant étrangers. La commune arrive... D'abord, pour éliminer les vieilles structures, il n'y a qu'à se rapporter à la déclaration aux élections complémentaires du 19 avril. L'un des articles majeurs, c'était une déclaration, ce n'était pas un article, mais l'un des principes était une sorte, j'ai plus le document, une régénération intellectuelle, morale, administrative, économique et politique du pays. Et donc les structures qui ont été mises en place, d'abord gérées par le peuple lui-même, qui de tout temps a été exclu de l'exercice des fonctions politiques, les mesures qui ont été prises immédiatement après la proclamation de la commune, c'était la réquisition des entreprises, avec pour fonctionnement une association de travailleurs en autogestion, des ateliers qui ont été propriétaires, qui étaient considérés comme déserteurs, comme ayant trahi la cause de la défense de Paris, qui avaient rejoint la province ou Versailles, ont été réquisitionnés par des hommes et par des femmes pour les gérer en association, en autogestion par les ouvriers. L'un des points principaux qui avait permis cette ouverture que portait la commune en tant que république universelle, c'était un élément qu'on peut requalifier de simple, contient plus de signification que l'acte en lui-même. C'était, comment on appelle ça, la colonne Vendôme, qui mettait en avant l'un des principes fondamentaux de la commune dans son universalité. La commune se déterminait comme antimilitariste, et elle abolissait ce monument qui était érigé à la gloire de l'impérialisme. De par ce geste, elle accomplissait déjà une sorte d'ouverture, d'appel à la fraternité des peuples et à éliminer ce qui les divisait. De l'internationalisme de la commune aussi s'exprimait de par la présence parmi la garde nationale de dirigeants de la garde nationale qui étaient de différentes nationalités, de Pologne, qui auparavant, juste sous l'Empire, étaient pourchassés, n'étaient pas considérés comme citoyens, malgré les différents statuts qui reconnaissaient certains droits de résidence, et ils n'avaient pas le droit de participer d'une ville ou d'une commune, encore plus d'un État. Les membres de la commune elle-même, au sein des membres de la commune elle-même, figuraient des membres les plus importants, qui étaient étrangers aussi. Il n'y a qu'à citer par exemple le chargé à la commission du travail, la réorganisation du travail et sa gestion au sein de la commune de Paris, donc qui concernait tout le territoire de la commune, qui Léo Frankel, qui est hongrois, Il fallait peut-être mettre ça en rapport avec les persécutions qu'avaient subies à ce moment-là les Allemands. En étant dans un contexte de guerre contre la Prusse, les Allemands, mais aussi les Autrichiens et les Hongrois, comme ils avaient accepté, avaient démenti tout ce vieux monde-là, comme elle le dit la déclaration, elle déclare la fin du vieux monde gouvernemental, la fin du fonctionnarisme, la fin de bureaucratie, en admettant l'élection et d'un étranger au sein du conseil municipal. Elle s'affirmait comme république universelle, république telle, et toutes ces mesures s'incarnaient aussi dans toutes les institutions mises en place, dans les bataillons de la garde nationale avec la constitution par exemple de pas mal de bataillons constitués essentiellement d'étrangers, de Belges, de Portugais, et tous ceux qui vivaient et travaillaient à Paris. La commune n'a duré que 72 jours dans un état de guerre, un état de siège. On n'a pas eu le temps donc d'accomplir toutes les mesures nécessaires. Elle en avait esquissé pas mal de réformes à faire pour résoudre ces différentes questions. Après, pour la question de la participation et de leur affirmation pendant la commune, il y avait une phrase qui l'illustrait assez bien, de l'une des communardes les plus importantes peut-être, en tout cas l'un des personnages majeurs de la commune, qui s'appelle Léon André, qui avait pas mal à la formation de l'Union des femmes pour la défense de Paris et aux soins soins aux blessés, qui ne se limitait pas justement à cet intitulé de leur union, mais qui prenait en charge, comme les premières avaient permis le début de cette expérience, c'était les femmes qui s'étaient interposées entre les soldats de l'armée régulière de Thiers qui sont venus récupérer les canons de Montmartre. Cette union et d'autres ligues aussi de femmes avaient imposé, même aux organes de la commune, certaines de leurs revendications qu'elles avaient pour certaines formulées dans des ligues, dans des ministres qui dataient des années 40, en tout cas au moins de 48. Du coup, Léon André, elle avait cette phrase qui illustre la place, l'importance et le rôle des femmes pendant la commune. C'était peut-on sans les femmes ? La réponse était bien évidemment non. Et là, malheureusement, il y avait une camarade qui était censée animer un petit peu un atelier sur le rôle des femmes pendant la commune, qui n'est pas là. Donc, je ne sais pas si je vais continuer à citer au moins quelques éléments des acquis irréversibles qui ont été menés par les femmes pendant la commune. Par exemple, l'égalité du salaire, au moins pour les institutrices et pour la coopération des relieurs, relieuses. Les femmes avaient remplacé les sœurs, les nonnes dans les hôpitaux, parce que c'était elles qui s'étaient préoccupées de gérer les ambulances, mais aussi d'en créer pour secourir les blessés et pour soigner le peuple de Paris. Elles avaient géré aussi les orphelinats et elles ont réussi à imposer une certaine ébauche d'un droit du divorce, une reconnaissance du statut de compagne, pas forcément mariée, pour une indemnisation au cas où son compagnon meurt sur les barricades. Il y a une liste de réalisations que les femmes ont portées. On peut peut-être parler sur deux plans. Il y a celle comme ministre mais qui ne portaient pas forcément spécifiquement des revendications féministes comme des personnages assez connus qui, comme Louise Michel et compagnie, qui incarnaient un petit peu les idéaux de la commune et qui portaient les idéaux de la commune sans se limiter au statut de la femme. Mais il y en avait aussi sur un plan spécifiquement qui concerne spécifiquement la condition de la femme, qui avait permis quand même la présence, la reconnaissance, et qui a contribué à changer les mœurs, les mentalités, qui a nourri par la suite le mouvement féministe de par le monde à partir de la commune. C'était une démonstration en acte, de l'importance du combat pour à la fois les droits de la femme. À l'époque, on parlait du droit du travail. Et ça pourrait peut-être nous sembler un peu... Ce droit porté par les femmes, le droit au travail des femmes, c'était l'un des points majeurs, principaux du combat féministe, qui n'était même pas reconnu par les associations ouvrières de l'époque, de l'international. Donc les femmes ont dû s'imposer pour porter ça. Non pas pour concurrencer les hommes et baisser les salaires, mais pour une réorganisation générale de la société. Dans les écrits et dans les statuts et les déclarations de l'Union des femmes, sortait le mot d'ordre: on ne va pas attendre qu'on règle un petit peu les problèmes immédiats de l'urgence pour se préoccuper d'une véritable rénovation sociale de la société. Bon, je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Et justement, je voulais réagir sur ce que tu disais à la fin, qui met d'ailleurs en lien les deux thèmes, hein, question internationale et des femmes, quand tu disais peut-être que le droit au travail, c'est un peu étrange aujourd'hui. Bah, en fait, non, parce que dans plein de pays, les femmes ne peuvent toujours pas travailler, en fait. Que ce soit parce que c'est imposé par la culture, que ce soit interdit par le droit. Enfin bon, il y a énormément de cultures sociales et même économiques, parce que de toute façon, tout ça va ensemble, dans lesquelles ce n'est toujours pas le cas. Donc en fait, oui, c'est peut-être un peu acquis, et encore la personne là-bas me disait que c'est pas tellement acquis totalement, mais il y a plein de pays dans lesquels ce n'est du tout le cas. Donc en fait, c'est hyper actuel, même maintenant. On peut ouvrir un petit peu, ouais, de toute façon, on peut faire un débat un peu partagé, hein, sur chacun peut répondre, apporter des choses, un petit peu sur ce que tu viens de dire, sur ce qu'on s'est dit pendant la journée, et puis micro, donc je me tais. Moi, je voulais réagir par rapport au droit au travail, parce que donc moi, je suis à la CGT chômeur, et donc ça fait peut-être 3 ans, banderole, il y a marqué droit au travail et à l'indemnisation, parce que le droit au travail, depuis 1966, il est défini par une convention internationale, et c'est le droit de gagner sa vie et la vie de sa famille par... et convenablement rémunéré. Et toutes les politiques actuelles de casse casse du code du travail et de casse de l'indemnisation et de casse de la CPAM et de casse de tout visent à casser complètement le droit au travail, que ce soit le droit des hommes. Et du coup, nous, on milite pour que ce droit soit reconnu ici, maintenant, en 2021, en France, pour tout le monde, y compris pour les sans-papiers, qui travaillent beaucoup mais qui n'ont pas forcément les droits sociaux qui vont avec, que, enfin, ce qu'a dit Rani me parlait quand même énormément, et que, parce que en sous-jacent, en particulier maintenant avec le Covid et donc les baisses d'activité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait pour que tout le monde puisse vivre convenablement de son travail, enfin soi et sa famille, c'est-à-dire ses ascendants, ses descendants, il faut une réorganisation de la façon dont on travaille, il faut une réorganisation profonde de la façon dont on travaille. Donc, par exemple, une baisse du temps de travail légal. Enfin, il y a des tas de façons d'y arriver, mais qu'il faut une organisation de la production dans la société pour que tout le monde ait accès à la richesse, quoi, de façon beaucoup plus égalitaire que maintenant. Assez rapidement sur le rôle des femmes dans la commune, elles étaient les premières sur les barricades. S'il n'y avait pas eu les femmes, il n'y aurait pas eu la commune. Mais je voulais surtout venir revenir sur un point que tu as abordé plus tôt, qui est pendant la commune, il y a eu une réappropriation des ateliers, des manufactures pour assurer la production afin que la commune survive. En fait, il y a eu un héritage. Il y a l'exemple de l'IP en 1970. C'était une usine de montres en France qui était prestigieuse, qui n'existe plus maintenant. Et en 1970, ils ont fait grève pendant un an. Et pour tenir leur grève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis en marche la production et ils ont vendu eux-mêmes les montres. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont réussi à vendre trois fois plus de montres que la diapositive fonctionnait normalement. N'hésitez pas à prendre la parole. C'est une discussion ouverte. Non, mais sur ce qu'on a dit par rapport à la commune et puis la façon dont ça se réalise aujourd'hui, l'héritage, là, je parlais notamment que dans certains pays c'est toujours pas le cas, donc c'est les choses faire émerger de ce qui se passe actuellement en fait. C'est un peu l'héritage aussi de ce qui s'est passé avant. Oui, non ? Personne ne prend la parole. Oui ! Moi, je voulais déjà vous remercier pour avoir organisé cet espace de parole, discussion, d'échange. Toutes les interventions sur les squats, j'ai bien aimé parce que moi, j'ai une expérience de squatteuse et c'est vrai que c'était des grands moments où il y avait une grande force du collectif. Et ça, c'est quand on a goûté à ça, je pense que c'est un très bon vaccin. C'est un très, très bon vaccin pour tout. Et merci pour ta présentation sur le rôle des femmes dans la commune. C'est bien que ça soit fait par un homme, c'est parfait. Moi, je suis pas sexiste. Je pense que je suis très dans agir local, dans le plan c'est global agir local. Donc j'agis là où j'habite. Donc j'invite tout le monde à agir oui où elle habite ou travaille, si vous avez un travail. Et j'aime bien personnellement les plantes, mais après chacune va, je souhaite de trouver ce qui vous porte et de transmettre ça, partager ça. Merci à vous. Merci à vous. Je répète que à prendre la parole si vous vous sentez inspiré pour ajouter quelque chose. On a parlé du rôle des femmes dans la commune, mais c'est pas que dans des révoltes populaires, dans différentes luttes. Elles sont très souvent à l'origine de ces luttes, corestation en Amérique du Sud. C'est, je dis bien l'Amérique du Sud, c'est pas que l'Amazonie et le bassin du Brésil. C'est très souvent des femmes qui sont à l'origine des mouvements de protestation et de lutte. Au Rojava, au Kurdistan, les femmes sont, sans elles, pas grand chose aurait pu se faire. Dans plein de luttes, quand les conditions deviennent très difficiles, quand ça devient très pénible et que ça devient insupportable, en fait, c'est les femmes les premières qui se soulèvent. Et ce qui est un peu dommage, c'est que les bonhommes. Ils font leur boulot aussi, mais ils en font que la moitié. Du droit au travail, qui était l'une des principales revendications du mouvement féministe dans la seconde moitié du 19e siècle. Ce droit au travail porté par les femmes qui sortaient un petit peu des habituels du mouvement féministe qui portait plus ou moins sur les droits civiques et sociaux. Ce droit au travail, dans les débats et les controverses de l'époque, il y avait déjà des femmes qui travaillaient, étaient surexploités et qui créaient une concurrence et qui cassaient un petit peu les prix des salaires par rapport aux ouvriers de l'époque, à leurs maris. Et justement, des femmes pendant la Commune de porter ça et de l'affirmer et de vouloir l'instituer, c'était que par exemple les débats et les circulaires de l'Association internationale du travailleur, je ne sais pas comment dire, mais les principes n'étaient pas pour défendre le droit au travail des femmes, pour ne pas créer de la concurrence et pour réserver à l'honnête voire nourrir sa famille. Et ça pointait quand même une question d'actualité aujourd'hui, c'est que ne pas avoir le droit au travail, ne pas avoir à s'affirmer sur l'espace public et encore moins dans la sphère politique, comment réduire la femme à la sphère domestique, à la sphère de l'intérieur. Et aujourd'hui, on parle de la non-rémunération, de la non-prise en compte du travail domestique. Et même sur, moi je ne sais pas, il y a plusieurs positions sur ce point, mais ce que montrait cette lutte des femmes depuis le 19e siècle, on rentre au travail implicitement aussi, c'était une réorganisation du travail dans l'ensemble de la société. C'était, je ne sais pas si ça a été déjà formulé dans les différents manifestes qui avaient circulé à l'époque, un salaire, travail égal, salaire égal, c'était dans la fibre de l'égalité homme-femme, et que ça passait par le droit au travail. Personnellement, je trouve que le meilleur manifeste de la Commune de Paris était la lettre adressée aux paysans de France qui ne savaient pas ce qui se passait à la Commune, qui a été rédigée par l'une des femmes du coup, qui s'appelle André Léo. Et il y a une phrase dans cette lettre qui dit « Pas de travail sans repos et pas de repos sans travail ». Bon, la lettre est très... très importante, elle touche un petit pion dont on a peut-être parlé durant la journée, mais c'était un peu une réflexion aussi sur la réduction du temps de travail, sur sa réorganisation et sur l'égalité des statuts de l'homme et de la femme. Voilà. Merci. Est-ce que des personnes souhaitent réagir sur ce qui vient d'être dit, apporter d'autres choses ? Je remercie tous les gens qui sont ici, que j'ai répété à peu près 3-4 fois, 5 fois, 6 fois, je sais, un clôt, et que le mec là, juste à côté de moi, il m'a partagé son amitié. C'est tout ce que je voulais dire, il m'a fait partager son amitié. Et ça me suffisait, moi, en tant que clochard, de mec qui dort dans la rue, et je vais bien le dire, hein. Respectez-nous au moins ça. On ne demande pas des sous, on est tous des clochards, machin, c'est moi qui paye. C'est pas toi qui t'es payé une bière, là ? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres témoignages, expressions, des personnes qui souhaitent intervenir ? Peut-être qu'on peut encore parler ? Sinon, on va tranquillement... Tu veux rajouter quelque chose ? Ouais ? Bac plus 5 de philosophie, et travailler sur Nietzsche, et travailler sur les nouvelles technologies. Au cas où il y a quelqu'un qui m'embaucherait, je serais ravie qu'il ne me paye même pas 1000 euros par mois. Donc on va clôturer tranquillement. Donc en fait, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Avoir Lieu. Aujourd'hui, on faisait cet événement, du coup, 28 mars, devant l'hôtel de ville, parce que c'était 150 ans... de la commune qui s'est déclarée sur ce même lieu. Et en fait, un des autres objectifs que vous avez certainement compris dans la journée, c'est aussi de mettre en lien toutes les personnes qui travaillent dans la question de l'appropriation. Donc l'appropriation, que ce soit au niveau du travail, de la santé, de la sécurité sociale. Tout à l'heure, on a vu le logement également, l'agriculture, l'alimentation, etc. Donc nous, on a pour but d'ouvrir ce coup, de renforcer un petit peu la dynamique, de faire d'autres événements. Donc ce que je vous propose, c'est que j'ai du coup une autre personne qui est là à côté, qui fait une petite fiche. Si vous avez envie de participer aux autres événements, d'amener des choses ou vous-même, vous avez des réflexions, constituer un collectif, vous êtes absolument les bienvenus. Et voilà, bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup.